السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ خان الله عز وجل، on va إن شاء الله continuer aujourd'hui l'explication de Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul حفظه الله تعالى du 8e annulatif parmi les annulatifs de l'islam, parmi les 10 que Cheikh l'islam Mohamed bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, il a cité dans son épître Nawaqid al-Islam. Et pour les frères qui étaient au cours, qui étaient excellents, d'ailleurs j'ai trouvé excellent hier de notre frère Abu Khadija, hafidhahullahu ta'ala, qui a commencé hier Kitab al-Tawhid, l'explication du grand savant Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullahu ta'ala, il a commencé cette série de cours par une introduction où il a fait une biographie de cet imam-là, qui m'a d'ailleurs beaucoup touché, même si certains points on connaissait déjà, alhamdoulilah, mais je vous renvoie vers cette introduction qu'il a fait hier, qui est enregistrée, pour les frères qui comprennent l'anglais. Inch'Allah, on essaiera d'en faire une autre, Inch'Allah, en français aussi. À la kulli hal, donc cet épître de Nawaqid al-Islam que Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a écrite, et on est arrivé au 8e annulatif. On va pas le terminer aujourd'hui. Il y avait possibilité de le terminer aujourd'hui, mais ça ferait un cours trop long. Et Inch'Allah, on terminera samedi prochain. Et donc, on entamera le 9e annulatif et l'avant-dernier annulatif, Inch'Allah ta'ala. Toujours cette mes'ala de al-mu'alat, hein, et mudaharat al-mushrikin, mudaharat al-kuffar, etc. Il y aura une très belle faïda que Cheikh Mohamed Mazmoul y rapporte à la fin de cette explication de ce 8e annulatif, que nous on va rapporter la semaine prochaine et qui rapporte dans un autre livre à lui que je vous conseille pour les frères arabophones, qui est Al-Muhkam ou Al-Mutashabih. C'est un livre, un gros volume de Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, où il établit c'est quoi le jihad et c'est quoi le takfir pour les gens de la sunna du consensus, al-sunna al-jama'a, al-salafi, et aussi il répond et il réfute beaucoup d'ambiguïté par rapport à ces deux sujets-là. D'accord ? Il a rapporté une faïda par rapport quand vous revenez au matn. C'était quoi le matin? On avait dit, regardez le titre, regardez du 8e annulatif, c'était quoi? Mudaharat al-Mushrikin. Sahoulallah. Et Cheikh, il a dit, regardez comment Cheikh l'Islam était précis, il n'a pas dit Mualat al-Mushrikin. Et il expliquait pourquoi en fait. Et on va revenir, Inch'Allah, à ça, plus en détail, dans la leçon prochaine, Inch'Allah. Pour les frères qui ont déjà l'arabe, ils peuvent de toute façon trouver la réponse à la fin de ce 8e annulatif et de son explication, et à la page 112. Si je me souviens bien du livre que j'ai cité tout à l'heure. À la kulli hal, on continue, on est arrivé à poser une série de questions. Combien de questions on avait posées la semaine passée? Deux, qui étaient C'est quoi le mu'alat? Et qui sait répondre à ça? C'est quoi le mu'alat? C'est bien de poser la question, mais il faut répondre aussi. Naam. On avait dit quoi que c'était? Mahabba, hein, et ou le hub et le nusra. Hein? D'accord? Quelque chose d'autre par rapport à ça? D'où ça vient le mot dans la langue arabe? Qui se souvient? Personne? Le wilaya. Le wilaya? Hein? Quelque chose d'autre par rapport à ça? Non, rien? Une petite faïda que je donne à Annie. Subhanallah, moi, c'est quelque chose pour le que je pense. Pour moi-même déjà en général, dans l'acquisition de la science, c'est tout ce qui revient à la sincérité. C'est qu'on se pose la question vraiment, et c'est une question que, comme je la pose, c'est difficile à trouver une réponse pour moi-même déjà, c'est qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on étudie en fait. Est-ce qu'on étudie vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce qu'on fait les choses en fonction? C'est-à-dire qu'on apprend pour apprendre, ou on apprend vraiment pour prendre la science, hein, et pour la mettre en application. Et les ulama, ils ont expliqué, comme Cheikh Raslan et d'autres, ils ont dit que c'est ça l'ikhlas. C'est que tu apprennes, regardez comment c'est précis, que tu apprennes, alaykoum salam, que tu apprennes, mais que par ta intention pour apprendre, d'apprendre la science, c'est quoi? C'est sa mise en application. D'accord? Et c'est pas juste les informations en tant que telles. D'accord? Et donc c'est important que quand on étudie, qu'on cherche la sincérité, et donc quand on étudie le mis'ala, eh bien qu'on soit sincère dans cette étude de la science, hein, et qu'on essaye de faire les choses en fonction de cela, c'est-à-dire qu'on essaie d'apprendre les choses vraiment comme il le faut. Hafil Hakami rahimahullah, c'est une histoire que j'ai racontée dans certains de mes cours, peut-être que les frères qui n'ont pas entendu peuvent s'affaire de cette histoire-là. Il est rapporté de lui, le Hafil Hakami rahimahullah, qu'il est mort à 35 ans, c'est-à-dire plus jeune que moi déjà. Hein, et qu'il était déjà à son âge un grand savant de la communauté. Rahmatullah alayh. Il étudie avec l'imam Qaraawi. L'imam Qaraawi rahimahullah, c'est celui qui a revivifié la da'wa salafia dans le sud de l'Arabie Saoudite. Dans la région où se trouve Cheikh Najmi rahmatullah alayh, où se trouve toujours d'ailleurs Cheikh Zayd. Hein? D'ailleurs, notre frère Abdillah, il a pris l'avion hier pour aller le voir, hein? Pour aller voir Cheikh Zayd. Il a tweeté quelques bénéfices vis-à-vis de ça. Et il nous a partagé certains moments avec Cheikh Zayd, à la Kouli Hal. Et donc, l'imam Qaraawi, rahimahullah, le Hafil Hakami, l'étudie avec lui. Il était rapporté que c'était quelqu'un qu'Allah lui a donné une facilité dans l'apprentissage. J'ai déjà dit dans certains cours que le Hafil Hakami, rahimahullah, il a étudié le Coran en un mois. Il a mémorisé le Coran en un mois. C'est-à-dire qu'il mémorisait un juz du Coran par jour. Parce que Cheikh Najmi disait qu'il faisait le double de lui. Donc Cheikh Najmi faisait un hizb par jour. C'est-à-dire que Cheikh Najmi l'a fait en deux mois. C'est le cas d'autres mashayikh comme Cheikh Mohammed l'Imam et d'autres. Le Hafil Hakami faisait un juz par jour, de hifd. Et le soir, il faisait l'imam Tarawih avec ce juz-là. D'accord ? Il est rapporté aussi que un des motouns qu'il a étudié avec l'imam Qaraawi rahimahullah, c'est Tuhfatul Atfal. Vous connaissez Tuhfatul Atfal ? C'est un poème dans Tijwid, hein, qui est pour les débutants en général. C'est pour ça qu'on appelle Tuhfatul Atfal, parce que généralement ça s'adresse aux enfants et aux débutants. Et il est rapporté que l'imam Qaraawi rahimahullah, il donnait cours à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faisait une dictée. D'accord ? C'est-à-dire qu'il disait le poème et le charh avec, etc. Il est rapporté que le Hafil Hakami rahimahullah, en une assise, il l'avait mémorisé. D'accord ? Et pourquoi j'ai dit tout ça ? Pour rapporter une méthodologie dans la science que le Hafil Hakami rahimahullah, il avait. C'était qu'il préparait le cours avant d'aller chez le shir. D'accord ? Un exemple, par exemple, on sait qu'on va étudier le huitième annulatif de l'islam. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'il convient de faire avant le cours ? C'est de. Surtout pour les frères qui ont le livre de Cheikh Mohammed Mazmoul, par exemple, bah, c'est déjà de lire le chapitre, par exemple. En tout cas, jusqu'où on pourra aller. D'accord ? Qui a ensuite assisté au cours ? C'est ce que faisait le Hafil Hakami rahimahullah. Puis, donc, deuxième étape, on a dit voir avant, prévoir si vous voulez, hein, une pré-étude, une préparation si vous voulez. Et après, c'était quoi ? C'était de revoir ses notes. Donc, l'importance d'avoir des notes. Donc, si on n'a pas de notes, on ne sait pas les revoir. D'accord ? Donc, prendre des notes. Ou éventuellement, alhamdoulilah, moi je fais le travail pour vous, c'est tapé sur ordinateur, il y a le PDF. D'accord ? De revoir les notes. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait encore ? En plus, le Hafil Hakami, rahimahullah, il allait dans la Maktab al-Mim Qaraawi, rahimahullah, et il faisait le mudakara avec lui, une révision avec le shir. Et évidemment, la faïda, la révision, c'est de revoir et de, que le, la science que tu as prise, elle s'enracine, etc. Éventuellement, de poser des questions, hein, et des détails par rapport à ce que tu as étudié, que le shir puisse y répondre, etc. Donc, il rapportait, le mashir rapporte ça comme une faïda. C'est-à-dire que tu prépares le cours avant, tu prends tes notes pendant, et tu revois après. D'accord ? Il a rapporté d'ailleurs dans les daurats, et on avait rapporté dans une daurat qu'on avait fait ici en français, que Cheikh Saleh Ali Shir, il conseillait d'ailleurs qu'un certain temps après une daurat, eh bien que tu revois tes notes. D'accord ? Et moi, j'ai l'habitude de ne pas poser la question aux gens, mais je dis toujours aux gens, chacun se pose la question lui-même, est-ce qu'on est vraiment comme ça ? Et si on n'est pas comme ça, ben pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme ça ? On revient toujours à cette notion d'ikhlas. Donc, c'est important, pourquoi ? Parce qu'il y a des notions en fait qu'on voit dans notre dîn et qui reviennent. Et une fois qu'on les connaît, ben, alhamdoulilah, on les connaît. D'accord ? Donc c'est des notions qu'on apprend. Par exemple, le mu'alat, on a vu c'est quoi très facilement, le ma'na quoi, l'orawi, le sens linguistique, et on a vu le sens que les ulama lui donnent en islam, qu'est-ce que c'était le mu'alat, etc. D'accord ? Et ça a son importance, qu'après, qu'est-ce qu'on fait ? On va rapporter le tafsil de l'Ahl-Sunnah al-Jama'a par rapport au mu'alat. D'accord ? Parce qu'on avait dit que c'est différente. Catégorie. Et je vous pose la question, est-ce que toute mu'alat, elle fait sortir de l'islam ? C'était quoi la conclusion à laquelle on est arrivé au dars précédent ? C'est ? Ben non, c'est pas, ça ne nécessite pas nécessairement cela. D'accord ? Et justement, aujourd'hui, on continue. Il avait posé ces deux questions. C'était quoi les deux questions ? Pour ceux qui se rappellent ou qui ont le livre devant eux, c'était quoi les deux questions ? C'est quoi le mu'alat ? D'accord ? Et la deuxième ? Hein ? Est-ce que tout type de mu'alat est fait sortir de l'islam ? Voilà. Maintenant, troisième question. On peut commencer le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah. السؤال الثالث ما الذي يترتب على هذا الكلام السابق ? La question que Cheikh Mohamed Bazmoul pose, c'est qu'est-ce qui résulte de ce qui a précédé comme parole. D'accord ? Donc, encore une fois, vous voyez que le cours court après un autre, qu'ils sont liés les uns aux autres. D'accord ? الجواب يترتب على الكلام السابق أن نقول إن الموالاة الكفار على قسمين. La réponse est de dire qu'il résulte de ce qui a précédé comme parole que nous disons que la mouwalat envers les mécréants est divisée en deux catégories. Et quand vous allez voir le PDF d'aujourd'hui, inshallah, vous allez voir que pour vous faciliter justement, au mouwalat, j'ai mis un lien où vous pouvez revenir au dars précédent pour voir c'est quoi le mouwalat. D'accord ? Donc on a dit que nous disons que le mouwalat envers les mécréants est divisé en combien de catégories ? Deux. On va aller voir maintenant, inshallah. L'important aussi pour un talib ilm, quelqu'un qui veut prendre la science, d'avoir un esprit de synthèse. Première catégorie. القسم الأول موالاة مخرجة من الملة وهي حب الكفار ونصرتهم من أجل دينهم واعتقادهم فقد وقع في الموالاة المخرجة من الملة لأن النصوص السابقة كلها دلت على وجود حب لكافر أو نوع معاملة حسنة في الظاهر مع الكافر ونوع نصرة في الظاهر ولكنها لم تكن مخرجة من الملة فدل ذلك أن ما يخرج من الملة هو موالاة الكفار على وجه فيه حب لدينهم أو نصرة لدينهم هذه الموالاة هي التي تخرج من الملة. Donc première catégorie que le cheikh cite ici, première catégorie de mouwalat qu'on a déjà définie, une mouwalat qui fait sortir de la religion. Et c'est l'amour envers les mécréants et les secourir en raison de leur religion et de leur croyance. Et donc celui qui aura commis cela sera tombé dans al-mouwalat qui fait sortir de la religion. D'accord ? Car tous les textes cités précédemment indiquent la présence d'un amour envers le mécréant, ou un genre de bon comportement en apparence avec le mécréant, et un genre d'aide en apparence, le mot en apparence est important ici, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. D'accord ? Cela indique donc que ce qui fait sortir de la religion, c'est al-mu'alat envers les mécréants, d'une manière dans laquelle il y a un amour pour leur religion, ou un secours porté pour leur religion. Ceci est donc al-mu'alat qui fait sortir de la religion. Hein? Comme je vous l'ai déjà dit dans certains cours, vous allez le voir, on va réfuter un tekfiri aujourd'hui, inshallah, qui s'appelle Maqdisi. Vous avez sûrement entendu parler d'al-Maqdisi. Hein? Tekfiri notoire, connu, que nos machéris ont réfuté en détail. D'accord? Et ils ont des choubouhats. D'accord? Et vous savez que, même sur Internet ou ailleurs, etc., les gens, parmi les gens qui sont les plus actifs dans les ambiguïtés, ce sont qui ? Al-Khawarij, les Takfiriyoun. Ils tournent beaucoup autour de masaïl comme celle-ci. D'accord ? Importance pour un salafi de maîtriser ça. Et de connaître Tawabit vis-à-vis de cette masala-là. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh ? Il dit : cela indique donc que ce qui fait sortir de la religion, c'est le mu'alat envers les mécréants. Mais quel mu'alat ? D'une manière dans laquelle il y a un amour pour leur religion ou un secours porté pour leur religion. Ceci donc est le mu'alat qui fait sortir de la religion. Maintenant, on a quelle catégorie ? On a la deuxième. D'accord ? Il dit : Al-Qism al-Thani, min al-mu'alat illati la tukhrijou min al-millati, hiya wuku'u mu'alatin fi al-zahir. بدون أن يوجب معها محبة لدين الكفار أو رغبة في نصر دين الكفار ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سورة الممتحنة verset 8 et 9. بل هناك نوع من الموالاة الظاهرة للكفار هي واجبة كموالاة الابن لأبويه الكافرين فأمر بالبر والإحسان إلى الأبوين الكافرين المشركين والبر والإحسان إلى الوالدين من الواجبات وعليه إذا وقعت الموالاة بحسب الظاهر بدون أن يعتقد المرء في قلبه محبة دين الكفار ومحبة عقيدتهم أو الرغبة في نصر دين الكفار أو نصر عقيدتهم فإن هذه الموالاة لا تكون مخرجة من الملة. Comment le cheikh continue à répondre à cette troisième question? Quelle question? C'est quoi la question? La troisième? C'est quoi le résultat de, qu'est-ce qui résulte de, des paroles qui ont précédé? Et c'était quoi la suite? Quelle moellette est différente? Type ou catégorie, il y en a combien on a dit? Deux, la première c'est quoi? Non. Et la deuxième? Non. La deuxième, justement, c'est Al-Mu'alat qui ne fait pas sortir de la religion, qui est de tomber dans Al-Mu'alat en apparence. Encore ce mot qui est important. Sans que cela ne nécessite avec elle un amour envers la religion des mécréants ou un désir de victoire pour la religion des mécréants. Et c'est pour cela qu'Allah dit, dans la traduction du sens est, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Surat al-Mumtahina, versets 8 et 9. Puis Cheikh, il va plus loin et il dit, mais de plus, il y a un genre de mu'alat apparente envers les mécréants qui est obligatoire. On avait déjà parlé de ça dans le dars précédent. Comme al-mu'alat du fils envers ses deux parents mécréants, car il lui a été ordonné d'avoir la piété filiale, bir al-walidayn, et la bienfaisance, al-ihsan, envers les deux parents mécréants et associateurs, alors que la piété filiale et la bienfaisance envers les deux parents font partie des obligations. D'accord? Et donc, en se basant sur cela, si... Et il y a déjà quelqu'un qui peut-être qui se pose la question, qui dit d'accord, donc il y en a un qui fait sortir l'islam, j'ai compris. Il y en a un qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais celle qui ne fait pas sortir l'islam, est-ce qu'elle est toujours au même degré? La réponse que vous pouvez déjà répondre, c'est quoi? N'hésitez pas, dites, hein, si c'est faux, on va voir après la réponse, Charles. C'est quoi? Qui dit non? Hein? C'est 2, 3, 4, 5, hein? Qui dit oui? Ils sont tous au même niveau. Qu'est-ce que vous dites les autres alors? C'est les prudents ça, hein? Vous allez voir que non, ils sont pas tous au même niveau, évidemment. D'accord? Ça va être d'ailleurs la quatrième question, Inch'Allah. Donc il dit le shir, et donc en se basant sur cela, si Al-Mu'alat a pris place en fonction de ce qui est apparent, sans que l'individu n'ait la croyance dans son cœur d'avoir de l'amour envers la religion des mécréants. Et de l'amour envers leurs croyances ou le désir de secourir la religion des mécréants ou de secourir leurs croyances, alors cette mu'alat ne fait pas, vous pouvez terminer la phrase, sortir de la religion. Maintenant évidemment, c'est une question judicieuse pour celui qui se l'est posée. C'est la suivante, c'est la quatrième. السؤال الرابع هل القسم الثاني من الموالات للكفار الذي لا يخرج صاحبه من الدين على درجة واحدة من الأحكام الشرعية. Pour quelqu'un qui réfléchit un peu et commence déjà à avoir sa réponse par rapport au mudahara et le mu'alat qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi l'imam Cheikh l'Islam il a utilisé dans naqid, quand il a dit dans le mat, il a utilisé le mot mudahara, il n'a pas utilisé le mot mu'alat. Vous avez déjà un élément de réponse ici ou pas? Hein? On va continuer, Inch'Allah. Donc je répète cette question parce qu'elle est importante. السؤال الرابع هل القسم الثاني من الموالات. C'est quoi le qism الثاني? On a dit que c'est le qism qui ne fait pas sortir, la catégorie qui ne fait pas sortir de la religion. من الموالات للكفار الذي لا يخرج صاحبه من الدين على درجة واحدة من الأحكام الشرعية. Je traduis la question, la quatrième question. Est-ce que la deuxième catégorie de موالات envers les mécréants qui ne fait pas sortir de la religion celui qui la possède est à un seul même niveau dans les jugements légiférés? On a déjà dit la réponse est non. Maintenant il faut du détail. D'accord? La réponse الجواب لا القسم الثاني من الموالاة هو الموالاة في الظاهر على درجات. Il y a des shuyukh comme dans l'aqidah ils sont précis quand ils parlent. Il a dit non, la deuxième catégorie de mu'alat qui est al-mu'alat en apparence, est de différents degrés. Et il va les donner ici. Hein. D'ailleurs, quand vous voyez les notes, je vous ai mis chaque fois des petits. Hein. Par curiosité, j'ai voulu demander qui revoie les notes. Au moins, qui est de temps en temps va télécharger le PDF, et je ne veux pas le faire. Pour ne pas mettre mal à l'aise. Hein. Mais j'espère qu'au moins il y a des. Je sais que sur Internet il y a des gens qui le font sur à l'étranger, parce qu'ils ont demandé qu'on fasse ça pour les autres cours qu'on avait fait avant, comme Sifat Salah, etc. Hein? Il y a même des gens qui nous envoient des emails pour dire qu'ils sont prêts à retranscrire tous les audios et pour nous envoyer pour faciliter le travail. Donc le cheikh il dit ici la deuxième catégorie de mu'alat, qui est le mu'alat en apparence, est des différents degrés. Maintenant, essayez de retenir avec moi les degrés. Il dit taratan takunu mubaha. Ça c'est parmi l'ahkam, on appelle, qu'on avait appelé comment une fois dans un cours, l'ahkam shar'iyya. Je vous dis ça, je vous aide, c'est un chiffre. Al-khamsa. C'est quoi les ahkam shar'iyya al-khamsa? À titre de révision. Mubah. Wajib. Mustahab. Ou bien un autre mot pour mustahab. Mandoub. Hein? Naam. Makruh. Et Muharram, ou haram, plutôt haram. Haram, wajib. Et puis hein? Vous êtes timides, hein, les frères. Hein? Donc ici, c'est quoi le mot qui a été utilisé? C'est Taratan takunu mubaha. Mithla ma yaqa'u lil muslimi min al bay'i wa shira'i wa ta'amuli ma'al kuffar au nikah al kitabiyat. Donc, on a dit le premier degré. Elle est parfois, on parle de qui ici, de quoi? D'al mu'alat. Elle est parfois licite. Mubah, comme cela arrive aux musulmans de vendre et d'acheter et d'avoir des transactions avec les mécréants ou de se marier avec des femmes des gens du livre, ce qu'on appelle kitabiyat. D'accord. Deuxième, wa taratan takunu mustahabba. مثل أن موالاة الكافر المعاهد في الظاهر والإحسان إليه رغبة في الدعوة إلى الإسلام واستجلابه إلى قبول الحق. Et parfois, elle est donc, on a vu licite maintenant, et parfois elle est. Essayez de retenir ça comme ça, qu'elle est parfois licite. C'est quoi l'exemple qu'il a donné? Les transactions, la vente, les achats, etc. Deuxième, recommandé, d'accord? Qu'est-ce qu'il va donner comme exemple? Il dit, comme le mu'alat, en apparence, envers le mécréant mu'ahad. Vous avez dit pourquoi les termes, c'est important de les connaître à un moment ou à un autre? Parce que si on ne travaille plus, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours précédent par rapport au dhimmi, au mu'ahad, au harbi, etc. Ben, c'est quoi les genres de kuffar? On ne sait pas, nous, c'est, de qui on parle ici? Alors, c'est qui s'est me rappelé, c'est qui le mu'ahad? Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait des cadeaux aujourd'hui pour les questions-réponses. J'ai pas arrêté avec les questions-réponses, mais tu n'as pas vu les cadeaux. Ah, tu les as. Hein? On sait qu'ils arrivent ici, Inch'Allah. Et celui qui répond ici, il a un CD-ROM, rempli de fatawa de Cheikh Al-Fawzan Nour al-Darb, en arabe. Celui qui n'est pas impact. Hein? Ah, t'as vu comment ça sortir là, hein? Je vais avoir des CD toutes les semaines alors. Hein? Vas-y. C'est celui qui a lié par impact. Non? C'est un plus précis. Hein? C'est celui qui est par impact. D'agression. Il doit être en termes d'humain. C'est sûr. Je vais rapporter une définition très facile, cher voisin, que j'ai remis aujourd'hui d'ailleurs pour vous rappeler. Hein? Qui était dans les notes de la semaine passée, c'est d'ailleurs. Qui est sous la protection du gouverneur musulman. Ils ne confondent pas avec un autre, le Musta'man, non? C'est qui paye une jizya. Ça, c'est Dhimmi, ça. Volume 8, Sharh Mumti'a, vous rappelez. Hein? Il n'est pas en fait que dans un pays. Ouais. Le non-musulman qui vit dans un pays musulman, mais il a un pacte avec les autorités comme quoi qu'il doit être protégé. Je sais pas pourquoi vous dites dans un pays musulman. Pourquoi vous dites ça? Cheikh Al-Fawzan, il a été précis dans ce qu'il a dit. C'est une définition très facile à retenir, mais il était précis. Moi, je vais bien le donner le CD, mais il faut l'aider à le donner. Quand je veux dire faux, hein? Ben, je dis ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan, on va rappeler. C'est que le défini de la manière suivante, Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, le mu'ahad, c'est le mécréant avec lequel nous avons un pacte, vous avez dit ça très justement, mais ce n'est pas suffisant, qu'il soit dans nos pays ou dans le sien, qu'il y ait donc un pacte entre nous et eux, mais c'est quoi le pacte? C'est ça que je vous demandais moi, de mettre fin à la guerre, et donc qu'il y ait entre eux et nous une trêve. On avait utilisé le mot mu'ahad, d'où il vient d'ailleurs? Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un pacte, d'accord? Et le dhimmi, c'est quoi? Et le frère, il a déjà donné la réponse. Qui vit en tant que musulman. Et comme ça, khalas, il. Il ronçon. Elle est un peu facile celle-là. Hein? Il paye une jizya. Hein? D'ailleurs, ça, c'est devenu un mot qui est utilisé en français, la démitude. D'accord? À la kulihal. Donc, hein? Allah alam. Je sais pas. Licite, on a dit que c'est quoi? Le genre qui est licite, on a d'exemple bi'u shira, etc. Deuxième, recommandé, mustahab. Qu'est-ce qu'il a donné comme exemple le shira ici? Comme en apparence, le mu'alat en apparence, hein, envers le mécréant mu'ahad, on a expliqué c'est qui maintenant, et le fait d'être bienfaisant envers lui, pourquoi d'être bienfaisant envers lui? Par désir de l'appeler à l'islam et de l'amener à accepter la vérité. Donc maintenant vous avez un hukm qui est licite, vous avez l'exemple, vous avez un hukm qui est quoi? Mustahab. Premier c'était mubah, licite. Deuxième mustahab, recommandé avec un exemple. Maintenant le troisième c'est quoi? Wataratan takunu wajiba. On a déjà donné l'exemple, vous êtes même capable de le dire vous-même. Envers qui? C'est-à-dire qu'il a dit Wataratan takunu wajibatan mitla mualat le muslim li abawayhi le kafirin. ومثل موالاة المسلم للكافرين لكي يمنع ضرره وشره عن الإسلام وعن المسلمين. Il a dit, donc troisième niveau, troisième degré, et parfois elle est obligatoire, d'accord? Le mot ici, il a dit, wajiba, comme al-mu'ala du musulman envers ses deux parents mécréants, et comme al-mu'ala du musulman envers le mécréant afin d'empêcher son mal et ses préjudices de toucher l'islam et les musulmans. D'accord? Maintenant, vous devinez c'est quoi le suivant? Wataratan takunu. Pour ceux qui ont le livre, c'est facile. Muharrama. En français, illicite. D'accord? Wataratan takunu muharrama. Wadalika fi tashabbuhu bima lada al-kuffar min umur fil adat ikhtassuna biha. Wafi hadith al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Al-hadith akhraja Ahmed fil Musnad wa Abu Dawood fi kitab al-Libas. De toute façon, le hadith, il est jugé hassan sahih par Cheikh Nasser dans l'Irwa. À la kulli hal, on va le dire ça après, Inch'Allah. Fa'idan ulama'a dabatu tashabbu al-muharram al-mamnu' biman tashabbah bil-kuffar fima huwa min khasa'isihim. Faman tashabbah bil-kuffar fi umur al-adat bima huwa min khasa'isihim fa'innahu qad fa'ala fi'la al-muharraman wa la yakunu bihi kharijan anil-millah. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous pose une question qui est facile, la réponse je l'ai donnée en arabe ici, mais à la koulihal, c'est quelque chose que vous connaissez. Celui qui répond, il a un CD, et après je vais donner l'opportunité aussi aux sœurs de répondre, parce qu'il faut être juste, d'accord, qu'elles écrivent la réponse sur un mot et qu'elles l'envoient, et que je donnerai un CD aussi. Première question ici, et je donne un CD à celui qui répond, d'accord, c'est quoi le dabit chez les ulama, c'est quoi la règle chez les ulama pour entrer dans le tashabbuh bil kuffar? C'est toi qui réponds là, vas-y. Ça se passe par Tinder. Des habitudes spécifiques. Non, pas de. J'ai réussi à en donner un. Donc, Cheikh, il dit ici, et parfois elle est illicite cette moualate. Et cela est dans l'imitation de ce qu'ont les mécréants en termes de coutumes qui leur sont spécifiques. Et il y a à ce sujet le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez sûrement. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque imite un peuple fait partie d'eux. Le hadith, il est rapporté par Ahmed dans le Musnad numéro 5114 et Abu Daoud dans le Sunan numéro 4031. D'ailleurs, regardez le titre du chapitre. C'est quoi? Kitab al-Libas. Chapitre sur tout ce qui concerne la tenue vestimentaire, etc. D'accord? Et il est jugé Hassanun Sahih par Cheikh al-Albani dans l'Irwa numéro 1269. D'accord? Ça, vous l'avez pas dans le livre. Ça sert à rien de chercher. D'accord? Mais ce sera dans les lentilles, Inch'Allah. Et les savants ont établi une règle. Regardez, parce que quelqu'un va se poser la question, il dit, mais quand est-ce qu'on rentre dans Tashabbuh bil-Kuffar? D'accord? Eh bien, les savants ont établi une règle qui définit l'imitation, qui est illicite et interdite, qui est, quiconque imite les mécréants dans ce qui fait partie de leur spécificité, et donc quiconque imite les mécréants dans les choses qui sont du ressort des coutumes, des hadats, parce qu'il fait partie de leur spécificité, aura alors commis un acte illicite, mais ne sort pas de la religion en raison de cet acte-là. D'accord? Donc ici, vous voyez que le hadith fahuwa minhum, il fait partie d'eux. Attention aussi à la compréhension de ce hadith. Cinquième question. Pour les sœurs qui arrivent à résumer en quelques mots, c'était quoi la troisième, la quatrième question, je leur donne un CD. Qu'ils écrivent et qu'ils envoient avec quelqu'un, Inch'Allah. Cinquième question. السؤال الخامس هل يقع للمسلم نصرة للكفار ولا يكون كافرا؟ Regardez le encore une fois le bon enseignement de Cheikh Mohamed Bazmoun, les bonnes questions qu'il pose. Regardez la cinquième question. Est-il possible que le musulman porte secours aux mécréants mais qu'il ne soit pas mécréant? Qu'est-ce que vous dites? Mon aqida, c'est pas je pense. Hein? D'accord? Al bid'ah. Qu'est-ce qu'il faut? يعتقدون ثم يستدلون. أما السنة يستدلون ثم يعتقدون. Les gens d'innovation, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient quelque chose et puis ils cherchent les preuves pour cela. Non, les gens de la sunna, ils regardent les preuves et après, ils croient. C'est important, ça. Donc, si je vous pose la question, sûrement vous avez peut-être étudié déjà ça ou vous connaissez le dalil par rapport à ça. Alors, je vous pose la question, est-il possible que le musulman porte secours aux mécréants mais qu'il ne soit pas mécréant? D'ailleurs, on a un peu soulevé la question le dars précédent. Hein? Vas-y, dis. Tu as répondu. J'ai vu ta tête, mais... Oui, mais c'est pas dans la précédente. C'est un des dars avait fait avant, c'était... Je sais pas si c'est un délire, mais c'était l'histoire que tu avais dit par rapport à un compagnon qui avait dit aux gens de la Mecque que la personne allait attaquer. Ah. C'est très juste ce que tu dis, et c'est un hadith qu'on va rapporter aujourd'hui en détail, Inch'Allah. Bon. Tu te rappelles du nom du sahabi? Non, pas du tout. C'est un hadith très connu, retenez ce nom-là. Qui connaît le nom? CD. Ah. Tu m'as donné l'opportunité de donner un CD, chauffe. Personne. C'est un hadith très connu. Il est dans Sahih al-Bukhari d'ailleurs. Il y a d'autres livres. Il a donné une indication. C'est un sahabi qui a prévenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait attaquer les associateurs. Hadith Hatib. Hatib ibn Abi Balta'a. Hadith très connu. Si vous connaissez ce hadith, le sens du hadith, ça va réfuter beaucoup des choubois des takfiriyoun. On va le voir en détail aujourd'hui, Inch'Allah. Hein? C'est très juste ce que tu as dit. Mais tiens, je vais te laisser ce que tu as répondu, plus gars que la réponse. Tiens, eh bien, la réponse, il a raison, c'est oui. قَدْ تَقَعُوا مِنَ الْمُسْلِمِ نُسْرَةٌ حَرْبِيَّةٌ لِلْكُفَّارِ وَلَا يَكُونُ كَافِرًا مِنْ ذَلِكَ جَاءَ عِنْدَ أَحْمَدَ. Là, c'est un autre dalil. Il va rapporter le hadith Hatib, mais le cheikh donne un autre dalil qui est dans le Musnad d'Imam Ahmad. Écoutez ce hadith. Regardez comment l'importance d'avoir l'ilm. Hein? Parce que dans ce hadith, il est clair, il réfute beaucoup de choubouas des ambiguïtés des tekfiriyoun. Et le hadith, il est authentique. Écoutez ce hadith. J'ai un Ahmad fil Musnad. Un dit Mikhmar. Certains ulama, ils ont dit Mikhbar. Avec le ba. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول. On va définir ce que ça veut dire, inshallah. فيقوم إليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول أنا غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم في الملحمة فيجتمعون إليكم فيأتونكم في ثمانين غاية. غاية c'est راية étendard. مع كل غاية عشرة آلاف. Écoutez ce hadith. Et on répond d'abord derrière la question. On a dit qu'il se peut qu'il arrive que le musulman donne une assistance guerrière aux mécréants, mais qu'il ne soit pas mécréant en raison de cela. Alors ça réfute pas mal de choubois des tekfiri ou pas? Non. Maintenant, on a envie de savoir c'est quoi le hadith, c'est quoi la preuve. La preuve, elle est là dans le Musnad d'Imam Ahmad. Il a été rapporté d'après Ahmad dans le Musnad, d'après Dhi Mikhmar, ou si vous voulez, en français, on va dire Dhu Mikhmar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez faire la paix avec Rome. C'est qui Rome? Les Romains. D'une paix caractérisée par la sécurité. Et vous allez, écoutez bien le hadith comme il est clair, et vous allez, eux et vous, c'est-à-dire ensemble, combattre un ennemi derrière eux. Et vous serez sauf taslamun, et vous prendrez des butins, puis vous arriverez à Marjun d'Outouloul. Marjoum, dans la langue arabe, c'est l'endroit où les bêtes, elles paissent. C'est-à-dire un pâturage du mot paître, du verbe paître. Comme l'a dit Sindi, rahimahullah. C'est qui Sindi? Qu'est-ce qu'il a fait comme livre? C'est de là que je l'ai pris d'ailleurs. C'est un hadith qu'il a, je vous aide, il était rapporté dans Ibn Majah aussi, ce hadith. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais que certains frères l'ont à la maison, ce livre. Comment ça s'appelle? Hachiyat Sindi à l'Ibn Majah. Sindi, rahimahullah, c'est un savant du hadith. Il a fait une hachia sur Ibn Majah et Nasa'i. C'est-à-dire que vous avez Nasa'i, vous avez Ibn Majah, et vous avez les ta'liqat de Sindi. Ça s'appelle Hachiyat Sindi à l'Ibn Majah et Hachiyat Sindi à Nasa'i. D'accord? Ala Sunan Ibn Majah ou Ala Sunan Nasa'i. Retenez ces noms-là des livres que vous sachiez. Et Sindi, il a défini comme ça Marjoun. D'où Touloul. Touloul, c'est quoi Touloul en arabe? Ben Touloulun, pardon, c'est le pluriel de Talloun. Talloun, Touloulun, qui est un endroit surélevé, comme l'a dit Al-Qari, c'est un autre savant, quand il fait de miséricorde. Et Sindi a dit, c'est toute terre ou sable qui s'est regroupée sur le sol. C'est-à-dire que quoi, on va traduire ça par quoi, pour vous faciliter. Puis vous arriverez à Marjoun, d'où Touloul, c'est-à-dire un pâturage avec un endroit quoi, surélevé. D'accord? Et donc, un homme parmi les Romains va s'y tenir et lever la croix à Salib. D'accord? Et dire, c'est la croix qui a vaincu. Petite note par rapport à ça. Après, je répéterai tout le hadith pour que vous suiviez le fil. Sindi, rahimahullah, dans Hachet ibn Majah, il a dit, pourquoi il a dit cela, ce Romain? Il a dit cela pour annuler le traité de paix ou simplement par fierté et pour mettre les musulmans en colère. D'accord? Et donc un homme parmi les musulmans va se lever et le tuer. Et à ce moment, les Romains vont trahir et les guerres, ce qu'on appelle, vous avez déjà peut-être entendu de ce qui va se passer, il y a quelque chose qu'on appelle malahim. D'accord? Les guerres, pluriel de malhama. Les malahim vont commencer, elles auront lieu, les guerres, et ils se regrouperont contre vous, d'accord? Et vous viendront sous 80 étendards. Regardez le nombre. Contre les musulmans, 80 étendards, avec chaque étendard, 10 000 hommes. Tiens. Donc je répète le hadith pour qu'on suive le fil, d'accord? Il était rapporté d'après Ahmed al-Musnad, d'après Doumi Khmar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez faire la paix avec les Romains d'une paix caractérisée par la sécurité. Et vous allez, eux et vous, et regardez le hadith là, vous avez déjà votre réponse, hein, vous allez, vous et eux, ensemble, combattre un ennemi derrière eux. Et vous serez saufs et vous prendrez des butins, puis vous arriverez à Marjoun d'Otoloul, on a traduit ça par quoi nous, on a dit que c'est un pâturage, hein, ou avec un endroit surélevé, d'accord? Et donc un homme parmi les Romains va s'y tenir debout et lever la croix, salib. Les ulama ont défini que c'est quoi, comment la croix pour que ça s'appelle salib d'ailleurs. Hein? Et c'est pas n'importe quelle forme qui est une croix. Et dire c'est la croix qui a vaincu. Et donc un homme parmi les musulmans va se lever et le tuer. À ce moment les Romains vont trahir et les guerres auront lieu et ils se regrouperont contre vous. Et vous viendront sous 80 étendards, avec chaque étendard 10 000 hommes. Et ce hadith, il est rapporté dans Musnad Imam Ahmed, numéro 16826, et Abu Daoud aussi, numéro 2767, dans Sunan Abi Daoud, et dans Sunan Ibn Majah. C'est pour ça que j'ai été chercher le charh dans Aoun al-Ma'boud, qui est une des explications de l'Adim al-Abadi, un savant du hadith, qui expliquait Sunan Abi Daoud, l'appelait Aoun al-Ma'boud, في شرح سنن أبي داود si je me souviens bien du titre الحاشية de Ibn Majah de Sindi رحمه الله. Et ce hadith il a été jugé authentique par les correcteurs du Musnad, محققو المسند. Donc c'est un hadith qui est authentique, on ne va pas vous mettre une choubha par rapport à ça. Maintenant on va voir le fiqh de ce hadith. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Mohamed Bazmoul? في هذا الحديث إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ستقع من أمة الإسلام هدنة مع بني الأصفر وهم الروم وأن هذه الهدنة سيكون من جرائها أن نقاتل نحن وهم يعني نعينهم على عدو فهذه نصرة للكفار ولم يجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من الموالاة المخرجة للملة فقد أخبر بها لو كان ذلك باطلا أو لا يجوز أو لا يصح أن أو تخرج به الأمة عن اسم الإسلام لما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم. C'est important de connaître ce genre de hadith. Une petite histoire que je vous raconte vite, c'est que j'ai voyagé une fois vers un pays à l'étranger. Je me suis retrouvé assis à côté de quelqu'un que je ne voulais pas vraiment, je ne connaissais pas, mais juste il a voulu me parler. C'était un frère converti, etc. Il m'a vu avec la barbe, le kamisa, il a voulu me parler. Après quelques secondes, je me suis rendu compte qu'il avait les idées du tekfir. Hein. Donc quand ça m'a parlé, je lui ai sorti un hadith comme ça. Je lui ai dit, mais les ulama, il dit ça quand même, non, par rapport à ce hadith dans le Moussalim Ahmed. Il n'a pas su répondre, je l'ai laissé tout seul, etc. Hein. D'accord. C'est pour ça que. Avec ce genre de hadith, vous savez réfuter avec la sunna. Tu dis une mas'ala, tu dis, mais dans le Moussalim Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté qu'il a dit ça. Hein? D'accord? Au fil mas'alati hadith, Hatib ibn Abi Balta'a. Hadith que tu as cité toi. Mais d'abord, on va terminer ce qu'il a dit Cheikh Mohamed Bazmou. Il y a dans ce hadith l'affirmation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quel hadith? D'où? Mekhmar. Qui est rapporté dans quel livre? Musnad l'imam Ahmed. Et dans quel autre livre? On fait travailler un peu les mémoires aujourd'hui. Sunan ibn Majah, avant ça Abu Daoud. Il faut savoir que les ulama, quand ils citent les livres, les sunan, ils les citent dans un ordre précis, pour une raison précise aussi. D'accord? Et bien, quand ils citent les livres sita, ils les citent dans un ordre précis. Il est jugé correct, authentique ce hadith. Et bien ce hadith, il dit, il y a dans ce hadith l'affirmation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il va se passer pour la communauté de l'islam qu'il y aura un traité de paix avec Banul Asfar, c'est-à-dire les Romains. Qui sont les Romains. Et qu'à la suite de ce traité de paix, nous combattrons nous et eux. C'est-à-dire que nous les aiderons contre un ennemi. C'est qui informe de cela? Le prophète alayhi wa sallam. Et donc cela est une aide et une assistance aux mécréants. Maintenant quelqu'un a une choubha. Il va vous dire, oh Marie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juste fait un ikhbar, il a juste informé. Comment vous lui répondez? Et choubouhat, hein? Vous allez voir, on va en sortir plusieurs aujourd'hui, Inch'Allah. Avec la réponse, évidemment. Comment vous lui répondez? Vous voyez que choubouhat, elles sont dangereuses. Comment vous lui répondez? La réponse, elle est vraiment facile en plus. Quand vous lui répondez? Vas-y. Non, mais lui, il va pas renier ça. Il va dire, le prophète, il a reçu la révélation, il a informé, mais le prophète, il a fait qu'informer. Comment tu utilises ça comme preuve? Comment vous lui répondez? Il a dit un groupe de musulmans. Ahsan, ça, on va encore plus loin dans la réponse. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un point que Cheikh Mohamed Bazmoul, il va rapporter après. Parce qu'il a dit vous. Hein? Non, et c'est juste, ça, c'est un bon point qu'il a dit. Non, mais avant ça. Regardez les usul et les règles, comment elles aident. Regardez, on va revenir à la réponse du frère. Hein? Il parle au Sahaba, il dit vous. Mais est-ce que ça va arriver à eux? Ouais, non. Mais, mais il a donné la réponse en fait, c'est vraiment la bonne réponse. Hein? On va lire, on va voir si ça confirme ce qu'il dit le frère ou pas. Il dit, c'est-à-dire que nous aiderons contre un ennemi, et donc cela est une aide, assistance aux mécréants. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas considéré comme faisant partie d'al-mu'alat qui fait sortir de la religion, car il en a informé, on a déjà dit, d'accord? Et si c'était faux ou pas permis, ou pas correct, ou que la communauté sortait en raison de cela du nom de l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait la différence entre nous et eux. C'est ce qu'il a dit le frère. D'accord. Et il y a à ce sujet le hadith, une autre preuve qu'on va citer maintenant. D'accord. Hadith de, comment, retenez son nom, hadith, si vous retenez juste le prénom, Hatib. Hadith de Hatib. D'accord. D'ailleurs, est-ce que vous savez que dans le Sahih al-Bukhari, évidemment il y a des chapitres, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Tafsir. Vous savez ça? Hein? D'accord. Vous savez qui a fait ce jarh qui a été publié en 4 volumes? Cheikh Oubaid Jabiri. Imdad al-Qari, بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري. D'accord? Et vous, ce genre de hadith Hatib, il l'a rapporté en détail chez Aoubaid là-dedans, par rapport À quoi on parle de tafsir? Qu'est-ce que ça a à voir le hadith Hatib avec le tafsir? Hein? Tafsir de quelle sourate? C'est un verset que j'ai déjà cité en plus dans ce vers aujourd'hui. Vas-y. T'es pas loin. J'ai cité aujourd'hui une sourate. Ah oui, j'ai cité des versets. Na'am, al-mumtahina, na'am. Hein? D'accord? On va voir ça plus tard, Inch'Allah. وفي المسألة حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير. D'ailleurs c'est un hadith que j'ai déjà parlé dans des dars qu'on a fait précédemment dans l'Aqida. Si je me souviens bien. والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. Je me souviens très bien, parce qu'il y a quelqu'un sur internet qui m'a dit, pourquoi tu as traduit Zahina par une femme qui est dans une litière? Les litières, c'est ce qu'il y a pour les chats. Ben non, et la litière, c'est pas ce qu'il y a pour les chats. C'est aussi ce qui est porté par une monture, comme une chamelle ou autre, dans laquelle quelqu'un peut se placer. D'accord? خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها. العقاص c'est le pluriel de عقيصة, les tresses d'une femme. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول. C'est important de faire attention à la formulation du hadith. فقال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت أمرا ملصقا إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وزاد في رواية لا réponse par rapport au كتاب تفسير ici. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الحديث إلى متفق عليه رواه البخاري ومسلم. On traduit déjà le hadith. Et je vous demande d'être attentif parce que le hadith, la formulation, elle est très importante. Le hadith de qui on a dit Hatib ibn Abi Balta'a. Essayez de retenir le nom, sinon au moins Hatib. Qu'Allah l'agrée. D'après Ubaydullah ibn Abi Rafi'in qui l'a dit, j'ai entendu Ali. Qu'Allah l'agrée dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé, c'est-à-dire qu'il a envoyé qui? Ali et Az-Zubair et Al-Miqdad ibn al-Aswad, en disant, partez jusqu'à ce que vous arriviez à un endroit qui s'appelle Rawdatu Khakh. Rawdatu Khakh, c'est un endroit, comme Cheikh Obeid il dit et d'autres, c'est un endroit qui est entre la Mecque et Médine, et proche de Médine. Rawdatu Khakh. D'accord? Et certains ulama, ils ont dit que tous les ulama sont d'accord là-dessus, et que même certains, ils ont dit Rawdatu Hajj, mais c'est une erreur, ils ont confondu avec un autre endroit. Le mot correct, c'est Rawdatu Khakh. Car s'y trouve une femme qui voyage dans une litière, qui a avec elle une lettre que vous prendrez d'elle. Comment le prophète a semé la suite? Nous sommes donc partis, c'est-à-dire de où vers où? Le prophète a semé, les a envoyés vers Rawdatu Khakh. Mais d'où ils sont partis? De Médine, non. De Médine vers Rawdatu Khakh. Nos chevaux nous emmenant avec rapidité, jusqu'à ce que nous arrivions à Ar-Rawda. Et voilà que nous étions arrivés auprès de la femme et lui avons dit, sors la lettre. Regardez le sahaba, sors la lettre. Elle dit alors, je n'ai pas de lettre avec moi. Regardez le yaqin de sahaba. Le prophète nous a informé d'une chose, hein, et ils sont venus pour cette chose-là. Nous lui avons alors dit, tu vas certes sortir la lettre ou nous allons certes jeter les vêtements qui sont sur toi. Hein? Elle sortit alors la lettre de cette... Il y a un fiqh par rapport à ça. Hein? Par rapport à... L'imam Nawawi Rahim a rapporté des faouds par rapport à ça, par rapport à comment se comporter dans ce genre de situation, etc. À la Kulihal, on ne va pas aller trop loin, mais j'ai déjà rapporté ça dans un cours précédent. Elle sortit alors la lettre de cette tresse et nous l'avons alors emmenée, la lettre, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que se trouvait écrit dans la lettre. Qu'est-ce que se trouvait écrit? De la part de Hat ibn Abi Balta'a à des gens parmi les associateurs, parmi les gens de la Mecque, les informant d'une affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi cette affaire? Le frère, il a dit très justement, c'est que Hatib radiallahu anhu arda. Attention. Hein? Parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu ça. Hein? De frères même, hein, d'un frère même peut-être qui se revendique de la sunna, hein, et qui utilise ce hadith d'une manière qui est une genre de critique envers Hatib. Attention. Ce hadith, il est cité dans le Bukhari notamment, dans Muslim, dans Fada'il al-Badr wa Fada'il Hatib. Dans les vertus de Hatib. Attention à l'aqidah envers Ahl-Sunnah al-Jama'a envers Sahaba. D'accord? Hein? C'est rapporté, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il fait par Hatib, il fait partie de qui? De Al-Badr. C'est un compagnon en plus de Al-Badr. Et on va aller voir le fadl de Al-Badr. Qu'est-ce que le prophète Hassan l'a rapporté par rapport à Al-Badr? De la part de Hatib ibn Abi Balta'a à des gens parmi les associateurs, parmi les gens de la Mecque, les informant d'une affaire du messager de l'Ansar. Pour donner un peu plus d'éclaircissement par rapport à cette affaire, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Shira Ubaid et d'autres ont dit, c'est que il a voulu envoyer une expédition, une armée, contre Quraysh Moussa, à la Mecque. Mais il est connu que, quand il voulait envoyer une expédition, warra, le hadith il dit warra bi ghayriha. C'est que il faisait circuler le bruit d'un autre endroit pour que les associateurs ne sachent pas qu'il allait les attaquer. Mais il avait informé certains compagnons. Parmi les compagnons qui étaient là, Hatib. Donc lui il savait la vraie destination de l'expédition et que c'était Mecca. Et donc Hatib, radiallahu anhu arda, il a prévenu les associateurs. Pourquoi? On va voir pourquoi. Il y a une raison pour ça, laquelle. Il a donné une excuse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Excuse acceptée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, oh Hatib, qu'est-ce que c'est? On va voir qu'il y a un fiqh par rapport à ça. C'est-à-dire que cette action, elle peut être comprise de différentes manières. Qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui demande un éclaircissement, un détail. On va voir, regardez les ulama comment ils tirent les règles et les fondements des textes légiférés, des textes de législation. Il dit, oh Hatib, qu'est-ce que c'est? Il, Hatib, il a répondu, radiallahu anhu arda, oh messager d'Allah, ne te hâte pas à mon sujet, c'est-à-dire à me faire un reproche, comme les ulama ils ont dit. Avant que je te clarifie la raison de la lettre, qui est que j'étais un... Maintenant, elle donne la raison, elle donne son excuse. J'étais un individu qui n'a pas de lien de parenté. Vous savez d'où vient Hatib? Il rapportait qu'il venait du Yémen. Il rapportait qu'il venait du Yémen, radiallahu anhu. J'étais un individu qui n'a pas de lien de parenté, de filiation, avec Quraysh. Et un allié de Quraysh. Et je ne faisais pas partie d'eux. Et ceux qui étaient avec toi parmi les émigrés, le Muhajiroun, avaient des parents à la Mecque, par lesquels ils protégeaient leur famille et leurs biens. Et donc j'ai désiré, si cela ne m'était pas possible en raison d'un lien de parenté avec eux, d'avoir un bienfait. Yadan, le mot en arabe ici, voilà, vous avez la traduction. Yadan. Hein? Avoir un bienfait chez eux en raison duquel ils protégeraient mes proches. Et regardez le hadith, regardez l'offre de Hatib, comment il est clair. Et je ne l'ai pas fait par mécréance, ni par apostasie, ni par amour de la mécréance après l'islam, c'est-à-dire après que je me sois converti à l'islam. Regardez le hadith, comment il est clair. Le messager de l'Ansar Hassan lui a répondu, il a dit alors, il vous a certes dit vrai. Laqad sadaqakum. Il a dit au sahaba, il a dit, il vous a dit vrai. D'accord ? On va voir qu'est-ce que ça veut dire, on va voir les ambiguïtés que les tekfiris rapportent par rapport. Parce que, attention, hein, tekfiris vont rapporter ce hadith, ils vont dire, oh, les Bukhari muslims, c'est pas fini. Hein. Il va essayer de mettre des ambiguïtés par rapport à la formulation du hadith même. Il vous a certes dit vrai. Omar dit alors, ô messager d'Allah, laisse-moi trancher le cou de cet hypocrite. Il y a des explications de l'ulama par rapport à la parole de Omar. C'est-à-dire qu'Omar, quand vous, que les ulama, ils ont dit, l'am yajzim, il n'a pas affirmé de manière catégorique. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé autorisation au prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'autres fawa'id que les ulama ont rapporté, retournez, hein, si on rentre trop dans les détails, on risque de faire trop long, mais encore une fois, c'est comme ça que le talib ilm se construit, retournez sur le hadith de Bukhari, de Muslim, etc. Regardez la réponse du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, alayhi salatu wassalam, il a participé, Hatib, il a participé à la bataille de Badr. Et, le sais-tu, Allah a certes regardé les gens de la bataille de Badr. Parce que la halaf dans l'arabe, quelqu'un va me dire, mais Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici, il a rapporté que, wal'allallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la'allallah, c'est un taraji, peut-être que, hein, les ulama, ils ont dit ici, c'est quoi, c'est une affirmation. Et Allah a certes regardé les gens de la bataille de Badr et a dit, faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné. Ça, c'est un dil que c'est pas une, que c'est pas un. Kufr. Pourquoi ? Parce que le kufr, il n'est pas. Hein ? Il n'est pas pardonné. On va voir ça en détail, Inch'Allah. Et il a rajouté dans une autre version du hadith, Allah fit alors descendre le verset. Maintenant, vous savez pourquoi on a apporté ça dans le kitab tafsir de Sahih al-Bukhari. Dans la traduction du sens est, ô vous qui avez cru, c'est de Surat Mumtahina, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi. Et le vôtre. Regardez le verset, par quoi il commence? Par quoi il commence? Ah, ô vous qui avez cru. Ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait, s'égare de la droiture du sentier. Soit le Mumtahina, c'est le premier verset. Maintenant, le cheikh va rapporter un fiqh de hadith, beaucoup de fawa'id par rapport à ce hadith. On aurait pu rapporter, hein, on aurait pu faire un cours que sur le fawa'id de ce hadith, mais on ne va pas le faire évidemment, mais on va au moins rapporter quelques-uns. Cheikh Mohamed Bazmoul, il dit, ça va, c'est pas trop long, on continue un peu, hein? Ça fait 57 minutes. وفي هذا الحديث في هذا الحديث إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ستقع من الأم من trompe de page. On revient. وهو هنا مسائل تتعلق بالحديث. الأولى فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر وغيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل منه ويستظهر عن حاله. ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل حاطبا عما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما هذا ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغضي les cours précédents comment ils vont nous aider. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'istihza billah wa bi ayati bi rasulih صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au fait de se moquer d'Allah, de ses versets, hein, et de son message? Est-ce qu'on dit ça peut être le kufr ou autre? On avait dit quoi? Est-ce qu'il y a un kufr ou ghayrah? Est-ce que ça peut être ou du kufr ou autre chose? Non. Regardez comment un cheikh va utiliser ça maintenant pour prouver ce qu'on est en train de dire. Il dit ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الاستهزاء بالله والاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتذار. Regardez le fiqh des علماء. وصار يردد عليهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة. On a vu le verset 66, on a déjà vu ça. بينما في قصة حاطب سأله يا حاطب ما هذا سورة التوبة verset 66. Le prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit ما هذا, ou il l'a rien rajouté, il ne faisait que répéter le verset de sourate التوبة. D'accord. Tandis que حاطب il a fait quoi? Il lui a demander. Pourquoi? Parce que il y a un ihtimal ici. Donc il lui demande, comme le dit le frère justement, un éclaircissement, une explication. Et de là, le cheikh il tire une règle. Et il y a différents points liés à ce hadith, mais on traduit. Retenez. Allez, je vous dis combien, comme ça je vous aide à synthétiser, inshallah. Il y en a un, je vous ai mis encore un autre petit signe, un petit joli signe ici pour synthétiser, d'accord? J'essaye un peu de... Je ne suis pas très fort en design, mais alaykou lihal. 1, 2, 3... 4 et 4. On va rapporter 4 points par rapport à ce hadith, inshallah. D'accord? Le premier, il y a dans ce hadith que celui qui dit... C'est une règle, retenez-la, on l'a déjà cité dans un certain cours. Il y a dans ce hadith que celui qui dit une parole ou fait une action, yahtamil, c'est-à-dire qu'il peut comporter soit de la mécréance, soit autre chose que de la mécréance, qu'on ne le juge pas. Quoi? Mécréant, tant qu'on ne lui demande pas une explication, un éclaircissement, et qu'on ne l'a pas appris sur sa situation. Vous comprenez cette règle-là? D'accord? C'est-à-dire quoi? On fait un stifsar, un éclaircissement. On demande une explication. Parce qu'il y a cette probabilité-là, justement. D'accord? Et le témoin argumentatif est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a questionné qui? Hatib, il lui a dit: Ya Hatib, ma hada. Vous pouvez me retenir quelques passages du hadith. Ma hada. Qu'est-ce que c'est que cela? Il a questionné Hatib radiallahu anhu au sujet de ce qui a émané de lui et il sallallahu alayhi wa sallam a dit au Hatib, qu'est-ce que cela? Et cela est indiqué par le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'a émané de certains compagnons de la moquerie envers Allah et ses versets, son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que ce qui avait émané d'eux ne comportait que de la mécréance, il n'a pas accepté de leurs excuses. Il se mit à leur répéter la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est: ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Surat al-Tawbah, verset 66. Alors que dans le récit de Hatib, radiallahu anhu, il, sallallahu alayhi wa sallam, l'a questionné en lui disant quoi? Ô Hatib, qu'est-ce que cela? Donc vous avez compris cette première règle? C'est quoi qui s'est la répété? Allez, j'ai encore un CD. C'est facile. J'aurais pu attendre les 4 points et demander qu'on dise les 4 points. Avoir un peu de rahma. Hein? Allez, qui? Charles Fozan. Grand savant. Celui qui fait ou qui dit une parole. Qui... Ah là, je l'ai motivé. Hein? Celui qui dit ou qui fait une parole qui a... Sans regarder les notes. Hein? Non, c'est une même condition. Sans regarder les notes. Celui qui fait la règle de méfiance, il demande l'explication. J'aime bien l'accent aussi, ma chère. Vas-y, Celui qui fait la règle de méfiance, il demande l'explication. Sauf s'il s'agit de se moquer d'un roi. De ses... Juste par rapport à ce hadith de Hatib. C'est juste ce que tu dis, c'est ta raison. Parce que là, il n'y a pas de probabilité. Mais juste par rapport à ici, que c'est... Que la non, que, parole ou. Voilà, que toute parole n'est pas forcément mécréance. Sois précis. Attends, laisse-le finir. Une personne qui fait un acte ou une parole de mécréance n'est pas forcément. Non, attention. Sois plus précis. Je sais que tu vas dans le bon film, mais sois plus précis. Je la répète en arabe pour t'aider. Fihi anna man ja'a bi qawlin ou fi'lin. يحتمل الكفر وغيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل منه كسي لا شيء جديد اشتي ها celui qui vient avec une parole ou un acte qui est ambigu يعني dans le sens qui peut porter à confusion qui peut comporter le mot français comporter j'ai utilisé de la mécréance ou autre chose de la mécréance on ne le juge pas. Un texte lacunaire là, je te fais. Moi, je ne suis pas mécréant jusqu'à demander l'explication. Ah, voilà, Allah, Non, moi, je l'ai écouté la moitié du CD avec toi. Là. Deuxième point. الثانية فيها أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفرا أكبر مخرجا من الملة ووجه ذلك أن نقل أخبار المسلمين الكفار وهو ما صدر من حاطب رضي الله عنه فيه نصرة للكفار ومع ذلك لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر حاطب وسأله regardez cette phrase elle est en gras ici hein, en noir en épais pour montrer l'importance de cette phrase ici ولذلك ضبط العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر عن محبة لدين الكفار ونصرة من أجل دينهم لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك. Regardez les ulama de l'Ahl al-Jama'a, les salafiyoun, comment ils sont précis dans l'aqidah, comment ils donnent des règles. Il dit le shir, il y a dans ce deuxième point, il y a dans ce hadith qu'aider les mécréants n'est pas dans tous les cas une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Et l'explication de cela est qu'il y a dans le fait de transmettre des informations des musulmans à qui ? Aux mécréants. Et c'est ce qui a émané de Hatib radhiyallahu anhu arda. Parce que, et j'ai oublié de vous rapporter ça tout à l'heure en détail, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait attaquer Mecca, mais quelle information il a donné? Il a dit qu'il allait attaquer quelle ville ou quel endroit, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Khaybar. D'accord? Mais à certains de compagnons, il leur a dit qu'est-ce qu'il allait vraiment faire, c'était d'attaquer Mecca. D'accord? Donc on dit ici, est-ce que ce qui est émané de Hatib, car il a agréé une aide aux mécréants, je répète cette phrase, et qu'il y a dans le fait de transmettre des informations des musulmans aux mécréants, et c'est ce qui est émané de Hatib, une aide aux mécréants. D'accord, le fait de donner une information du musulman au kuffar, ce n'est pas une aide. Si. Et malgré cela, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas jugé Hatib mécréant, et il l'a questionné, et c'est pour cela, et maintenant la phrase est en gras, et c'est pour cela que les savants ont donné comme règle, pour l'amour et l'aide ou l'assistance, le secours, ce qu'on appelle Nusra, d'accord, aux mécréants qui font sortir de la religion, que c'est lorsque cela émane en raison d'un amour envers la religion des mécréants et d'une aide en raison de leur religion. Et ce n'est pas que l'amour ou l'aide aux mécréants dans l'absolu sont telles quelles. Si vous, non, je vous dis, quelqu'un dit, Omar, hey, tu parles, c'est quoi ton dalil? Que le fait que tu aides les mécréants, hein, et que c'est pas toujours le mécréant, c'est quoi ton dalil? Vous avez au moins combien de hadiths à lui citer? Au moins, combien les frères? Oui. Deux. Quel hadith? T'as parlé là, attention. Hadith Hatib. Et l'autre hadith. Et c'est quoi d'ailleurs le hadith Hatib? Moi je l'ai cité de là, c'est quoi? Comment tu utilises le hadith Hatib maintenant pour prouver ce que tu as prouvé? Mikhmar ou Mikhbar? Non. C'est quoi le hadith? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le prophète, je vous aide, qu'est-ce que le prophète Hassan il a informé? Il a dit qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Qu'il allait faire la guerre, les chrétiens et les musulmans, ils allaient faire la guerre ensemble. Les Romains. Qui? Exactement qui? Les Romains et les Romains. Qu'ils allaient avoir à traiter de paix et qu'ils allaient combattre ensemble un autre ennemi. D'accord? C'est clair? Troisième point. الثالثة لو كان هذا الاعتذار من حاطب بن أبي بلتعة غير مقبول وليس مناطا لتعلق الحكم بعدم التكفير لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على باطل. Tu vois, et c'est ça que je voulais par rapport à tout à l'heure ta réponse. Hein, Abou Safia, ta réponse était juste, mais c'est ça que je voulais entendre aussi tout à l'heure en fait. D'accord? D'accord. Si c'était faux, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approuve quelque chose de faux? Non. C'est pour ça que je vous ai fait référence tout à l'heure les règles, l'onsol et vous aide. D'accord? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté, l'excuse, il l'a pas accepté. D'accord? La sunna c'est quoi? C'est qawliya, fa'liya, taqririya. C'est des paroles, des actions et des approbations. Troisième point, si cette excuse de la part de Hatib ibn Abi Balta'a n'était pas acceptée, elle n'était pas la cause de laquelle dépend l'absence du jugement de mécréance, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas approuvé. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est préservé d'approuver quelque chose de faux. Il est ma'asoum. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. An yuqirra ala batil. ومعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية وتقريرية. Patientez un peu avec moi, les frères. On est presque à la fin, inshallah. Encore peut-être un quart d'heure, ça voit ça. C'est un peu trop. C'est bon. Hein? On a dit quoi? Qawliya. Il n'y a pas beaucoup de frères qui répondent. Qawliya. فعلية تقريرية فتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فيما اعتذر به دليل على أن مثل هذا الاعتذار مقبول وسائغ في مثل هذه المسألة من مسائل الكفر وإلا ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر على باطل بل الرسول صلى الله عليه وسلم زاد وقال صدقكم فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار ودينهم واعتقادهم ولا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل من حاطب رضي الله عنه كلامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قد صدقكم après il va apporter une chouba le cheikh et il va apporter le rad là ça devient un peu technique mais c'est intéressant aussi hein. C'est pas difficile. On continue. Il est connu que la sunna du messager de Allah est parole et où est les frères? Action, approbation. Et donc l'approbation du messager d'Allah envers Hatib ibn Abi Balta'a, car elle agrée au sujet de son excuse, est une preuve que ce genre d'excuse est accepté et permis dans ce genre d'affaires parmi les affaires du ressort de la mécréance. Sinon, le messager d'Allah ne l'aurait pas approuvé. Sinon, cela impliquerait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'approuve au sujet de quelque chose de faux. Mais de plus, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rajouté, il vous a certes dit, vrai, laqad sadaqakum. Il y a en cela que si l'excuse d'une action comme celle-ci, par une chose qui ne revient pas à l'amour des mécréants, et de leur religion, et de leur croyance, ni à un désir de victoire pour leur religion et leur croyance, eh bien cela est accepté de lui. Là, celui qui fait cela, avec les conditions qu'on a dit, ben, cela est accepté de lui. Et la raison de cela est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté de Hatib sa parole et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il vous a certes dit vrai. Maintenant une shubha. Cette shubha, elle existe. Elle a été dite par quelqu'un qui s'appelle Maqdisi. Maqdisi, c'est un tikfiri notoire parmi les références d'un tekfiri notoire aussi qui s'appelle Abu Imran de Sharia for Belgium. Hein, je profite pour les citer aussi. D'accord? Hein, d'ailleurs, c'est dans leur dawa à un moment, dans une vidéo, Abu Imran, je ne sais pas si tu es en prison ou pas, à la Kolihad, en Belgique, quelqu'un qui a fait une grosse fitna en Belgique et qui donne une très mauvaise image de l'islam en Belgique, qui s'attaque quelqu'un qui s'est autoproclamé prédicateur, hein, eh bien, il a fait référence à Al-Mahdisi. Il a même dit qu'il a envoyé une lettre à Cheikh Al-Maqdisi qui est en prison pour lui dire qu'ils sont des rourabas en Belgique et que les gens sont contre eux et que, hein, en général ils sont, c'est ce al-haq quoi, hein, ils sont vraiment sur la vérité et que les gens sont contre eux et qu'ils ne sont pas acceptés dans les mosquées, etc. Et le Maqdisi a dit, il dit patientez et continuez dans votre da'wat al-haq, etc. Alors que c'est da'wat batil bil ashak, que ce soit la da'wat al-Maqdisi ou la da'wat de Sharia for Belgium, c'est la même da'wat, de toute façon da'wat de khawarij et de tkfiriyoun, hein, n'en déplaise à certains. Et donc Al-Maqdisi, c'est un tekfiri, et les ulama, c'est un surnom d'ailleurs, Al-Maqdisi. Hein, c'est un surnom. Si vous voulez, un jour, on pourra faire éventuellement un petit passage sur qui est Al-Maqdisi, et citer quelques livres qui ont été écrits en réfutation d'Al-Maqdisi, et des paroles des ulama, de Salafi, par rapport à Al-Maqdisi. Parmi les chers qui ont réfuté Al-Maqdisi, c'est d'ailleurs le cher Mohamed Bezmoul, hafidahullah ta'ala. Al-Maqdisi, il a un livre qui s'appelle Millatu Ibrahim. Hein, on n'allait pas l'acheter, évidemment, d'accord. Et il sort cette ambiguïté-là à la page 144. C'est quoi cette ambiguïté? L'ambiguïté, c'est de dire فَإِنْ قِيلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَابِلَ مِنْ حَاطِبٍ لِأَنَّهُ يَعْلِمَ صِدْقَهُ عَنْ طَرِقِ الْوَحِي وَمِنْ أَيْنَ لَنَا أَنْ نَعْلَمَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحِي صِدْقَ السَّرَائِرِ وَالْبَوَاطِنِ وَمَنْ يُزَكِّيهِمْ وَيَشْهَدُ لَنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ. D'accord? l'ambiguïté, s'il est dit, et cette ambiguïté, elle était citée dans un livre de Al-Maqdisi, page 144. C'est, et les Tekfiriyons, ils lisent leurs livres, certains d'entre eux sont arabophones, et ils sortent ces ambiguïtés-là. D'accord ? Le messager, et nous, on n'est plus en droit de lire les livres des ulama salafi. D'accord ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a accepté cela de Hatib. Si quelqu'un me vient et te dit, vous connaissez l'histoire de Hatib maintenant, vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé avec un minimum de détails, etc. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il te dit ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a accepté de Hatib que car il a su sa véracité par la voie de la révélation. D'accord ? Et d'où pouvons-nous savoir, après que la révélation ait cessé, la véracité des intentions et des pensées intimes, et qui peut les recommander et témoigner de cela pour nous après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de te couper la route pour utiliser ce hadith. Dire, ouais, mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation, elle a cessé. Donc comment est-ce qu'on va savoir qu'il a dit vrai ou pas ? Vous avez vu la choubha, l'ambiguïté ? On va y répondre, Inch'Allah. La réponse est très facile. D'ailleurs, pour quelqu'un qui a bien préparé nos cours, ça revient à une des règles qu'on a citées dans les 15 règles du tekfir. Vas-y. Oui, oui, mais... Ah. On juge en fonction de ce qui est apparent. Cheikh Mohamed Abdelhab, rahimahullah ta'ala, Mohamed bin Abdelhab, rahimahullah, il a une belle parole. Il dit, « Nahkumu ala al-bida' bil-zahir wa nakilu sara'irahu minallah. » Nous, on juge les gens d'innovation en fonction de ce qui est apparent d'eux et on laisse leurs intentions et ce qui est intérieur, on les laisse à Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que nous, on n'a pas accès à ça. Ça, c'est une règle. On juge en fonction de ce qui est apparent. On va revenir à ça, inshallah. La réponse, j'ai lu la Shouba en français ou pas, oui. La réponse est donc, Al-Jawab, Hada ghayru sahih. Trop encore de pages, décidément. Tasdiq al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam li Hatib. Innama huwa khasun bihi sallallahu alayhi wa sallam. Liannahu alimahu an tariq al-wahi. Amma ummatuhu min ba'dihi sallallahu alayhi wa sallam. Fa'innahu laysa laha ila al-hukm bihasab al-zahir wa qabulih. فمن اعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره وأوكلنا باطنه إلى الله تعالى لأننا لا نعلم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقبول الظاهر كما يدل عليه حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث et ça c'est le dernier qu'on avait cité par rapport à la règle qu'on avait cité. J'ai peur de me tromper. C'est le cinquième PDF qu'on a fait, Allahu alam, et je pense que c'est la neuvième règle, huitième ou neuvième règle, je ne sais plus de mémoire les chiffres. Hein? D'accord ? Retournez au cinquième PDF, Inch'Allah, vous allez trouver ce hadith, on va le citer encore aujourd'hui, et c'est une preuve. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé avec Oussama ibn Zayd ? Vas-y, vas-y, n'est pas grave. Hein? Au moment de le tuer, il a dit... La ilaha illallah, et il a quand même porté le coup, d'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rapproché cela. On va rapporter ce hadith ici, Inch'Allah. Il dit Hadith Usama ibn Zayd قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحراقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ الحديث حديث متفق عليه dans le Bukhari et Muslim. On traduit déjà ça si vous voulez. La réponse est donc, c'est quoi la réponse à cette shubha là? C'est quoi la shubha? Qui te disent quoi par exemple? Comment est-ce qu'on va savoir alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu sa véracité par la révélation et que la révélation elle a cessé? D'accord? Tu lui réponds, tu lui dis, le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait affirmé la véracité de Hatib est spécifique à lui, sallallahu alayhi wa sallam, car il l'a su par la voie de la révélation. D'accord. Quant à sa communauté après lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent que juger en fonction de ce qui est apparent et l'accepter. Et donc, quiconque nous présente une excuse similaire à cette excuse, son excuse est acceptée. Et nous confions son attention à Allah, nous laissons son attention à Allah, le Très-Haut, car nous ne connaissons pas l'invisible. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné d'accepter ce qui est apparent, comme cela est indiqué par le hadith d'Usama ibn Zayd. Regardez comment tu lui réponds avec détail. Qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait envoyé en expédition, et je vais déjà expliquer c'est quoi la différence entre Sariya et Ghazwa, c'est quoi? Je ne sais pas, peut-être que les ulama ont dit ça, moi je sais autre chose. Hein? C'est par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit présent ou pas. Le Ghazwa, il est présent, le Sariya, il envoie l'expédition en fait. D'accord? Voilà, peut-être que ce que tu dis c'est juste, hein, mais moi je ne connais pas ça. Le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait envoyé une expédition et nous arrivâmes à l'aube d'Al-Huraqat. On avait déjà expliqué dans un autre cours que c'est le Huraqat de Juhayna, c'est une des fratries de la tribu de Juhayna. Comme l'a dit Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Ethiopie dans son explication de l'authentique de Muslim. J'ai rencontré un homme qui dit « La ilaha illallah » et je lui ai porté un coup de lance et j'ai ressenti quelque chose en moi par rapport à cela. Et donc je le dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Il a dit la ilaha illallah et tu l'as tué ?» Il, c'est-à-dire qui ? Oussama ibn Zayd dit « J'ai dit oh messager d'Allah, il n'a dit cela que par peur de larmes. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam, as-tu ouvert son cœur pour savoir s'il l'a dit ou pas? On avait déjà dit que c'est vous avez vu la formulation du hadith ici. As-tu ouvert son cœur pour savoir s'il l'a dit ou pas? Mais il a dit la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Ah, vous vous rappelez du charh? On va rappeler ça encore, son cœur. C'est-à-dire qu'il l'a dit avec son cœur. An-Nawawi rahimahullah, il a dit que le sujet dans cette phrase est le cœur. Et le sens de cela, c'est-à-dire si son cœur l'a dit ou pas. Il n'a été demandé que d'agir en fonction de ce qui est apparent. C'est l'imam Nawawi qui parle ici, rahimahullah, dans l'explication de Sahih Muslim. Et de ce qui est dit par la langue. Quant au cœur, tu n'as aucune voix pour accéder à ce qui s'y trouve. Et donc, il lui a reproché de ne pas avoir agi en fonction de ce qui est apparu par la langue. Et lui a dit, as-tu ouvert son cœur pour voir si c'est le cœur qu'il a dit et qu'il y a cru et qu'elle s'y trouve ou qu'elle ne s'y trouve pas et qu'elle a juste été dite par la langue? C'est-à-dire, et toi tu n'es pas capable de cela, et donc limite-toi à ce qui est dit par la langue. C'est-à-dire, et ne cherche pas autre chose. Fin de citation de l'imam Nawawi rahimahullah, et Cheikh l'Éthiopie l'a rapporté dans son explication de l'imam de Sahih Muslim, volume 3 aussi. À la koulihal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de répéter cela à tel point que j'ai souhaité m'être converti à l'islam ce jour-là. Attention ici. Il ne faut pas comprendre que le sahabi il a voulu être mécréant avant cela. Là, comment on comprend ça? Regardez la femme des ulama. Les ulama, ils ont dit, c'est-à-dire que ma conversion à l'islam a été ce jour-là, car l'islam efface ce qu'il y avait avant, et donc il souhaita que ce temps-là soit le début de son entrée en islam, afin qu'il soit sauf du péché. De cet acte. Et il n'a pas souhaité qu'il ne soit pas musulman avant cela. La même référence que j'ai citée avant. Et Cheikh, il continue en disant, فَلَا يُقَالْ إِنَّمَا نَاطَقَ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِمٍ كَوْنُهُ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ بِالْوَحِي. لا يقال ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. فلو كان اعتذار حاطب بذلك الاعتذار باطلا لا محل له. لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذره ولما أقره على كلامه. لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير. وهنا تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم كلام حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار وأنه مناط القضية فتأمل. Et donc on ne dit pas que la cause de l'acceptation de la parole de Hatib par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est qu'il a su qu'il était véridique par la voie de la révélation. On ne dit pas cela car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se tait pas au sujet de quelque chose de faux. Et donc si le fait que Hatib s'excuse par cette excuse était faux et n'avait aucun lieu d'être, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas questionné au sujet de son excuse. Elle n'aurait pas approuvé sa parole, car la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parole, action et approbation. Et ici, l'approbation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah parle de Hatib, mais de plus, le fait qu'il le questionne au sujet de ce qu'il a fait est une preuve sur le fait de se baser sur ce genre d'excuses et que c'est le mobile dans l'affaire. Et Cheikh dit, médite donc cela. Encore une autre ambiguïté. Et après, on arrêtera avec cela, inshallah. Parce qu'après, en fait, à la fin de l'explication, il va rapporter toutes les paroles des ulama, Cheikh Islam Moutaymiya, certaines paroles dans Durr al-Saniya. C'est important, Durr al-Saniya. Pourquoi Durr al-Saniya, c'est important? C'est quoi Durr al-Saniya? C'est une compilation en plusieurs volumes des lettres et paroles des ulama du Najd depuis l'époque de Cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et les tekfiri, ils rentrent beaucoup dans ce genre de livre-là pour utiliser des paroles de ces ulama-là, parce qu'ils ont le tawhid, ils ont combattu le tarot, ils ont combattu le shirk, etc., avec leur compréhension à eux. Donc c'est important pour nous de revenir à ce genre de sources-là aussi, mais avec la compréhension correcte des ulama. Et par exemple, il va citer Cheikh Abd Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdurrahman, qui est un descendant de Cheikh Mohammed ibn Abdurrahman, rahimahullah, et d'autres savants qui vont citer Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, etc. Mais ça, on va faire ça la semaine prochaine, Inch'Allah. On rapporte encore une ambiguïté et on y répond et puis on arrête, Inch'Allah. Et d'ailleurs, on a cité combien de points par rapport à ce hadith de Hatib ? Trois pour le moment. On va citer le quatrième et on va arrêter, Inch'Allah. Un autre point ici, une autre parole qu'on peut vous dire. Le cours est un peu plus long aussi parce que je vous fais participer un peu pour vous garder engagé dans, dans le cours. Il dit ici, écoutez bien ça. فَإِنْ قِيلَ مَنَاتُ قَبُلِ عُدْرِ حَاطِبٍ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وهذا لا يتحقق في من يقع من هذا الفعل اليوم. Et cette chouba a été citée par qui, vous devinez? Al-Maqdisi dans son livre Milat Ibrahim, page 144 aussi. Donc c'est une chouba qui existe. Hein? D'accord? Il a dit, et aussi quelqu'un te dit, la cause de l'acceptation de l'excuse de qui? Hatib, est qu'il fait partie des gens de la bataille de Badr. Des gens de la bataille de Badr. Et c'est d'ailleurs ce que le Maqdisi Takfiri il a dit dans son livre Milatu Ibrahim. Et que cela ne se concrétise pas pour celui dont émane cette action aujourd'hui. Ah, c'est une chouba ça. Dire, oh, mais ça c'est pas les gens de Badr, on n'est pas les gens de Badr maintenant. Hein? Qui va avoir cette excuse là de nos jours? La réponse est. فالجواب هذا غير صحيح. لو كانت المسألة التي وقع من حاطب لا تحتمل إلا الكفر المخرج من الملة لما نفع حاطبا أن يكون من أهل بدر. فإن الشركة يحبط العمل. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous comprenez ça ou pas? Si c'était une mécréance majeure, est-ce que ça aurait été utile de faire partie des gens de Badr? Non, c'est ce qu'il est en train de dire le chef ici. Pourquoi? Parce que ça annule toutes les actions. Donc il ne faut pas comprendre. Faites ce que vous voulez, faites ce que. Non! D'accord, les ulama ont des explications très longues, on ne va pas rentrer là-dedans non plus. Qu'est-ce que ça veut dire, fa'alou ma shi'tum? Ça, il faudra encore un cours juste là-dessus. Revenez encore une fois aux explications des ulama. La réponse, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, ceci n'est pas correct. Si l'affaire qui avait émané de Hatib ne comportait comme possibilité que la mécréance qui fait sortir de la religion, il n'aurait été utile en rien à Hatib de faire partie des gens de Badr, car l'association annule toutes les actions. D'accord. Quatrième et dernier point qu'on va voir aujourd'hui, inshallah. Al-Rabi'a, fihi, quatrième point par rapport au hadith de Hatib, fihi anna qatl jasous al-muslim marji'uhu ila al-imam. Ala tara anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaruddi al-hukma bi qatl Hatibin illa limani'in wa huwa kawnu Hatibin min ahli Badr. Qala Umar, ya Rasulallah, da'ni adribu unaq hada al-munafiq. Qala innahu qad shahida Badra wa man yudrika يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فللإمام قتل الجاسوس وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك. ويلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يسلو باسم الإيمان عن حاتم رضي الله عنه لما ذكر فعلته وموالاته للكفار فقال تعالى بسبب ما حدث من حاطب. وتقدم الدليل في حديث حاطب أن الآية نزلت بسبب ما جرى منه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وأصحاب المذاهب الأربعة لم يحكموا على المسلم إذا جس للكفار ونقل خبر المسلمين إليهم لم يحكموا أنه ارتد بذلك بمجرد هذا الفعل. انظر أقوالهم في الموسوعة الفقهية الكويتية. فهذا دليل على أنه قد تقع من المسلم نصرة للكفار دون حب لدينهم ولا رغبة في نصر دينهم. فموالاة الكفار من أجل دينهم واعتقادهم كفر أكبر وناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كان لغير ذلك فهي دائرة على الأحكام الشرعية الخمسة كما سبق. Le dernier point, c'est un résumé du cours en fait. On traduit ce quatrième et dernier point tiré du hadith de Hatib. Il y a dans ce hadith que l'exécution de l'espion revient aux dirigeants. Ne vois-tu pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a rejeté le jugement d'exécuter Hatib qu'en raison d'une barrière qui est que Hatib fait partie des gens de Badr. Omar a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi trancher le cou de cet hypocrite. Il sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a participé à la bataille de Badr. Et le sais-tu, Allah a certes regardé les gens de la bataille de Badr et a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. L'exécution de l'espion est au dirigeant, revient au dirigeant, et s'il a quelque chose qui l'empêche de l'exécuter, cela lui est permis. Et il est à remarquer ici, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, que le noble Coran n'a pas retiré le nom de foi à Hatib. Comment c'est ça? On dit qu'il y a un verset qui a été révélé au sujet de ce qui s'est passé de la part de Hatib. Quel verset? Le premier verset de Surat Al-Mumtahina. Maintenant que vous lisez Surat Al-Mumtahina, vous savez que le premier verset, pourquoi il a été révélé? Et il est ici à remarquer que le noble Coran n'a pas retiré le nom de foi à Hatib lorsqu'il a cité son action et sa mu'alat au mécréant. Allah a dit en raison de ce qu'a émané de Hatib, on a vu la preuve, la précédée dans le hadith de Hatib, que le verset est descendu en raison de ce qu'a émané de lui. Qu'Allah l'agré, radiallahu anhu, c'est dans la traduction du sens est, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité, ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur, si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Et c'est le premier verset de Surat Al-Mumtahina. Et les gens des quatre écoles juridiques n'ont pas jugé mécréant le musulman qui a espionné pour les mécréants et leur a rapporté une information des musulmans. Ils n'ont pas jugé qu'il a apostasié par cela juste en raison de cette action. Référence, voir leurs paroles des quatre imams, des quatre madahib, dans Al-Mawsu'a Al-Fiqhiyya Al-Kawitiyya. C'est une Mawsu'a de Fiqh, c'est une grande compilation, si vous voulez. Hein? D'accord? Je ne sais plus comment on appelle ça, Al-Mawsu'a en français, Al-Kulihal. Al-Mawsu'a Al-Fiqhiyya Al-Kawitiyya. Volume 10, page 162-166. Et volume 16, page 314. Et donc ceci est une preuve, c'est le dernier mot de ce cours, Inch'Allah, et donc ceci est une preuve qu'il se peut qu'émane de la part d'un musulman, je vais terminer la phrase maintenant, une aide aux mécréants, sans amour pour leur religion, ni désir d'aide ou secours ou assistance envers leur religion, elle mu'alat envers les mécréants en raison de leur religion et de leur croyance est une mécréance majeure et un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, tandis que si c'est pour autre chose que cela, elle tourne alors en fonction des cinq jugements légiférés, comme vu précédemment. Et avec cela, on a fini le cours. Il est un peu plus long que d'habitude. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Juste un point, il y a un nouveau PDF qui est sorti sur notre site. Essayez de consulter le site de temps en temps pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui sort, etc. Par rapport à la parole de Cheikh Obaid al-Jabiri, que vous connaissez tous, parce que ici j'ai que des francophones qui sont venus à Birmingham pour y vivre, c'est que Cheikh Obaid al-Jabiri l'avait conseillé de venir à Birmingham. Mais comment il a fait cette fatwa-là? Dans quel contexte il a fait cette fatwa-là? Avec quelles restrictions il a fait cette fatwa-là? Certains, hein, ils ne savent pas ou ils ne veulent pas savoir. C'est encore autre chose, on ne sait rien faire à cela. Mais s'il veut savoir, le PDF est là, alhamdoulilah. Donc j'ai traduit une clarification de Cheikh Obaid al-Jabiri, hafidahullah, qui explique sa fatwa. Et c'est Cheikh Arafat, Ibn Hassan al-Muhammadi, Cheikh Yéménite qui enseigne à Médine, Hafidahullah Ta'ala, qui lui a posé la question et qui fait un ta'liq sur ce. C'est-à-dire que Cheikh Abel Jabiri, il n'a jamais dit de faire la hijra vers Birmingham comme le fait de faire la hijra vers les pays musulmans. Il n'a jamais dit cela. Il l'a fait dans un contexte où les musulmans sont opprimés par rapport à l'interdiction du hijab, par rapport à des choses comme cela, etc. Que si quelqu'un n'a pas la capacité, hein, de faire la hijra vers un pays musulman, et bien que pour diminuer le mal et mieux pratiquer sa religion, et de venir à Birmingham. Mais où à Birmingham? Birmingham, c'est une grande ville, c'est la deuxième ville d'Angleterre. Il a dit, parce qu'il s'y trouve le Maktaba Salafia. Et il a dit, une Maktaba telle qu'elle, regardez la défense de Shirabi la Maktaba, il a dit, une Maktaba telle qu'elle, elle mérite certainement qu'on la rejoigne. Alors que des grands savants parmi Hi'at Kibar Ulama et Dar al-Ifta, y ont donné cours. Qui? Shirabi Allah. Al-Ghudayyan, rahmatullah, il donnait Kitab Tawhid le dimanche ici, à l'endroit où on était ici. Avec les haut-parleurs là qu'on entend autour, qu'on a autour de nous. Cheikh Abdullah, Al-Ghudayyan, rahmatullah, Ali, nous a fait une grande partie des Kitab Tawhid par téléphone, tous les dimanches. Vous vous souvenez, les frères, ou pas, pour ceux qui étaient là, hein? Et quand il est mort, Ali, rahmatullah, c'est qui a pris sa relève? C'est Cheikh Abed, hafidahullah ta'ala. D'accord? Et il faut savoir que Cheikh Mohamed Ben Hadi, il défend Maktaba Salafia. Donc, Cheikh Obeid, la question lui était posée dernièrement, il a dit à qui on doit revenir dans l'Ouest au problème, dans les problèmes de la da'wah. Il a dit revenez à Maktaba Salafia et il a cité spécifiquement Abu Khadija, Abu Hakim et d'autres frères. D'accord? Donc, quand les frères ils viennent ici, alhamdoulilah, les frères, ça n'empêche pas que quand on est ici, de faire quoi? La hijra vers les pays musulmans. Awalillah, alhamd, on a vu pas mal de nos frères. D'accord? Et une référence aussi par rapport à un commentaire d'un frère qui est juste, qui m'a dit un jour, il m'a dit, depuis, ça fait 2 ans que je suis ici, depuis que je suis ici, j'ai vu plus de frères faire la hijra que quand j'étais en France. Hein? Ça ne veut pas dire que les gens en France ne font pas la hijra. Ça ne veut pas dire aussi qu'on dit, non, il faut venir ici pour faire la hijra. Hein? Comme certains veulent nous faire dire, non. Il est vrai qu'il y a certains frères qui sont venus ici comme un tremplin, hein, vers les pays musulmans et pour se préparer mieux pour les pays musulmans et aussi parce qu'ici, on peut pratiquer une autre religion que dans certains pays. Et on le voit bien, wallah alham. D'accord? Les enfants peuvent aller à Salafi School. C'est que des enseignants Salafi, hommes et femmes, avec un curriculum Salafi, avec le Coran, avec l'aqid Salafiya, avec le fiqh Salafi, avec le hadith, avec le cours d'histoire, c'est un cours de Sira, etc. D'accord? Il y a un de mes enfants, cette semaine, un de mes élèves, il a fini le Coran, il a 11 ans, en 6e année. Hein? Et je me rappelle quand il est venu à Birmingham, et je me rappelle quand il faisait Jouz Amma. Hein? Il a fini le Coran. Alhamdulillah. Les enfants, ils apprennent la langue arabe, ils apprennent ils apprennent le hadith, ils apprennent les doigts, etc. Les sœurs peuvent apprendre, elles peuvent porter leur niqab, elles peuvent porter leur jilbab sans restriction, etc. D'accord? Hein? Et vous connaissez la situation aussi bien que moi, mais je le dis ça aussi pour les gens qui nous écoutent sur Internet. D'accord? Donc, dans le sens où, alhamdulillah, des frères ont pas perdu leur temps. Si quand ils sont venus ici, il y a des frères, ils ont été acceptés à l'université de Médine. Alhamdulillah. Il y a des frères, ils ont été acceptés, ils sont partis aux Maldives. Il y a des frères, ils sont partis en Arabie Saoudite. Il y a des frères, ils sont partis au Maroc. Il y a des frères, ils sont partis en Algérie. Il y a des frères, ils sont partis ailleurs. Ils ont fait un projet. Ils ont fait un diplôme. Ils ont fait une formation. Ils ont pris la langue anglaise. Ils ont fortifié leur curriculum vitae, hein, leur parcours professionnel. Ils ont appris la langue anglaise. Ils ont fait des choses. Ils ont pas chômé. Ils ont pas perdu leur temps. En même temps, d'apprendre leur dîn, de prier au mesjid salafi, de rester au merkez salafi, de s'écarter des choubouhats, de rester accroché à l'ulama, de profiter des ulama qui nous visitent. Subhanallah al-Adim. Cheikh Ahmed Soubiri, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit ici? Quand elle était ici dans la Dora, pas la dernière, une d'avant. Et il avait dit, j'hésitais à venir. Cheikh Ahmed Soubiri, c'est quelqu'un très modeste, hafidahullah ta'ala. Il a dit, mais en vérité, il a dit, astafir minkum. Il a dit, moi je prends des bénéfices de vous d'une manière que vous ne soupçonnez même pas. Il a dit, quand je vous vois, quand il a vu les gens autour de lui, les différentes nationalités, et tous ces gens-là regroupés autour de la Salafia, il a dit, ça l'a touché, Cheikh Ahmed Soubiri. Hein? Et vous, on ne va pas citer toutes les nationalités, sinon on va rester ici pendant. Vous les connaissez. Rien qu'ici chez les francophones, combien de nationalités, combien de couleurs différentes devant moi, combien d'origines différentes, etc., etc. C'est Salafia qui regroupe les gens sur le haqq. Malgré leurs origines, malgré leurs couleurs, malgré leur culture, ils sont tous réunis sur l'aqida et un manhaj unique, c'est le salafia. Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Matkhali, parce que vous savez qu'il est venu à Birmingham il y a longtemps. Cheikh Mubarjis, rahmatullah alayh, il est venu, rahmatullah alayh, un juge en Arabie Saoudite, un savant, qui est mort très jeune d'un accident de voiture, rahmatullah alayh. Hein? Il y a d'autres savants qui sont venus, mais c'était pas. C'était il y a très longtemps. Cheikh Lembani, il est venu à Birmingham, c'est vrai. Cheikh Sindhi aussi, rahmatullah alayh. Hein? Mais ça, c'était avant même que le Majid il existe. Cheikh Mohamed Menhadi, quand il était venu avant le Majid aussi. Ibn Barjis, rahmatullah, il était venu avant le Majid. Hein? Mais il y a d'autres, il y a Cheikh Saleh Ali Cheikh qui est venu, ils sont venus à d'autres endroits, etc. à la Koulihal, avant que le Mejid existe ici. Hein? Mais il y a, depuis que le Mejid existe ici, il y a des savants qui sont venus. Il y a Cheikh Mohamed Al-Anjari qui vient souvent. Il y a Cheikh Ahmed Soubaï qui est venu plusieurs fois. Il y a Cheikh Mohamed Maramzan Al-Hajiri qui est venu plusieurs fois. Il y a le grand savant d'Égypte, Cheikh Hassan Al-Banna qui est venu. Hein? Et il a beaucoup aimé Cheikh Hassan Al-Banna. Et moi, j'étais avec lui quand on est rentré dans les classes et qu'il a, il a interrogé les enfants, etc. Il a dit ça l'a rendu heureux et ça l'a réjoui de voir ce qu'il a vu ici. Mais, il a dit, si vous pouvez partir, partez, il a dit. C'est ça le fiqh des ulama. C'est qu'ils sont contents du khir qu'il y a ici. On arrive à des degrés. Je pèse mes mots. Je vais rien dire, je vais dire juste degrés. Hein? On arrive à des degrés, je ne sais pas si c'est de l'ignorance, de l'hawa, etc. à tel point qu'il y a des gens qui critiquent même le fait qu'on ait regroupé 600 000 pounds ou plus pour faire agrandir le masjid. Et ils disent qu'on empêche les gens de faire la hijra, wal'iyadhu billah. Quel alim il a dit ça? Donnez-moi un alim qui a dit ça. C'est ça le problème, c'est qu'on va plus loin que ce que disent les ulama. Quel alim il a dit ça? Cheikh Bar Ramzan et Cheikh Sahibi, ils ont été à Roubaix. Moi j'y étais. Ils ont dit, aidez les frères à grandir le masjid. Ils n'ont pas dit, ne faites pas cela parce que ça ne va pas vous empêcher de faire la hijra. Et depuis quand faire sadaqa sans perdre faire la hijra? Et c'est pas de vision dans dawa. Vous avez des gens qui tout simplement n'aiment pas le khair. Hein? Ils n'aiment pas le khair, c'est tout. Qu'est-ce qu'on en doit faire? On doit rester nos soeurs, elles doivent rester derrière ici, emprunter l'école, rester dans des murs étroits, etc. Hein? Elles n'ont pas droit à une mosquée, elles n'ont pas droit à un endroit où elles peuvent apprendre correctement, etc. Hein, les gens ils doivent continuer à prier dehors. Non, des fois, il pleut dehors, etc. Allez, qui dit ça parmi les ulama? Les ulama, ils ont donné l'aval pour ce projet-là, subhanallah. Hein? Donc, faites attention, choubouhat. Faut utiliser ce mot-là. C'est des doutes qui sont sortis par certains pour une raison précise. C'est Cheikh Aoubaid qui a dit ce que j'ai dit. Quelqu'un, il n'est pas content. Il va voir Cheikh Aoubaid, il débat avec lui. Mais il ne sait pas mettre du choubouhat aux gens. Hein? Il ne s'est pas critiqué de manière indirecte la parole de Cheikh Abdel Jabir et Hafidahullah. D'accord? Et ça n'empêche pas du tout de faire la hijra. Et faites attention aussi de rentrer dans un travers, parce que la hijra maintenant, c'est un sujet qui est très, hein, très porteur. Et c'est un sujet important. Mais il faut le voir avec l'aide de la charia islamia. Il ne faut pas aller ni dans le laxisme ni dans l'extrémisme. Il faut dire ce qu'ils disent les ulama, pas autre chose. Et comment ne pas se faire des fatwas aux gens de manière spécifique, etc. Et pas commencer à rentrer dans des choses, etc. Ouais, après, t'as une voiture qui coûte autant, Starfall, t'as pas fait la hijra, etc. On entend ce genre de discours. Subhanallah, Adil. Peut-être que le frère, il a un empêchement, une barrière, un mani, hein, qui l'empêche de faire la hijra. Peut-être que quelqu'un, il a une maladie grave dans sa famille. Je sais pas, il y a pas mal d'excuses, etc. Peut-être que le frère, il prépare, tu sais même pas, toi. Peut-être qu'il va partir avant toi, tu ne sais même pas. Hein? Peut-être qu'il est en train de construire quelque chose, il est en train de faire un projet dans un pays, il est en train de postuler dans certains postes en Arabie Saoudite et qu'il attend de réponse, toi, tu ne sais même pas. Tu veux inciter à la hijra? Marhaban, tfaddal. Hein? Sahoulala, tfaddal, nous demande quand on te rappelle sur la hijra. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par son nom, que quand on lui demande par son nom là, il refuse pas, il répond, Starfall il répond, et il a demandé, il est demandé subhanahu wa ta'ala par ce nom, il donne, hein, et bien qu'il nous facilite à tous quoi, la hijra vers les pays musulmans, hein, et qu'on y reste et qu'on meurt dans les pays musulmans et, si possible, et qu'on meurt à Médine. Hein? Pourquoi vous connaissez les hadiths par rapport au fait de mourir à midi? D'accord? Alhamdulillah, on a certains de nos frères. Alhamdulillah. Allah, on les envie dans le bien. Allah, nad'u lahum bil khair. Alhamdulillah, ils sont partis en Arabie, ils sont là depuis de nombreuses années. Hein? Je parle avec un frère qui est depuis plus de 15 ans en Arabie Saoudite maintenant. Après 10 ans, il est enseignant à l'université, il a perdu son travail. Khuruj nihai. Il doit sortir, il ne peut plus rentrer en Arabie Saoudite. Il était ici en Angleterre et il m'a dit, je peux pas rester ici. Il m'a dit, comme cela. Il m'a dit, je peux pas rester ici. Il m'a dit, mes grandes filles, elles ont mémorisé le Coran, les autres, elles n'ont pas fini. Ils ont tout appris en arabe. Ils sont perdus ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Le frère, il a cherché pendant plusieurs mois, il a cherché jusqu'à ce qu'il dit, maintenant, il est en Arabie. Il m'a téléphoné, il a dit, wallah. Je lui ai téléphoné, il m'a dit, wallah, mehdi, mun'am alay. Wallah, ana bikhair. Il m'a dit, je suis à Mecca. Ma famille, je l'ai laissé à Médine. Et je travaille à Jedda, mais je vais tous les jours. Alhamdulillah, le Fazer, des fois, je lui prie que je serai bien. Hein? Je suis à Mecca, j'habite à Mecca maintenant, alhamdulillah. Hein? Il a essayé de toutes ses forces d'essayer parce qu'il est le frère, il est diplômé, mashallah, il a un master, etc. Il a de l'expérience, il fait un doctorat, la Mabarak, etc. Hein? Vous connaissez, vous savez sûrement de qui je veux parler, etc. On va pas citer de nom. Hein? Regardez, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ce frère, il me disait, Mehdi, mais qu'est-ce que tu. Il m'a dit, viens, il m'a dit, wallah, je souhaite pour toi que tu sois ici. Il m'a dit comme ça au téléphone. Ah, moi aussi, je souhaite. Hein? Il a dit, Inch'Allah, il a dit, c'est bien que des frères comme toi viennent ici, etc. C'est important, etc. Kada. Il motive. Motiver les gens à la hijra. Faciliter les gens à la hijra. Et si toi, Allah, est wafaq de faire la hijra, commence pas à critiquer tes frères qui sont restés. Et demande à Allah que tu les fais de manière sincère et conforme à la sunna. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Et on demande que notre hijra elle soit acceptée par Allah, qu'il nous la facilite et qu'Allah nous l'accepte de nous. Hein? La hijra c'est un grand khair. Il y a des hadiths qui sont très forts sur la hijra, et sur le fad de la hijra, et le grand bien de la hijra, et les grandes récompenses de la hijra. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de l'isra. C'est vrai tout ça. C'est vrai. Hein? Certains de nos frères, ils disent, hein, depuis qu'ils sont rentrés au bled, ils disent, alhamdulillah, quand j'étais en Europe, j'étais pauvre, j'avais rien, j'étais, mais alhamdulillah, je suis dans la largesse financière maintenant, alhamdulillah. Hein? D'accord? Les versets sont clairs, les hadiths sont clairs, etc. Donc c'est ce qu'on souhaite pour nous tous. Comment on peut dire, subhanallah, de nous, frères salafis qui habitent en Birmingham, subhanallah, qu'on appelle les gens à venir ici, c'est comme si on nous appelait à venir ici, à mourir ici, à rester ici, et de ne pas faire la hijra vers les pays musulmans. Comment ça peut être dit, subhanallah, l'adhim? D'ailleurs, Cheikh Obed, il a dit, dans le PDF que j'ai traduit, il a dit, moi je parle à quelqu'un qui est éclairé, et qui est doué de raison, il a dit. Celui qui n'est pas éclairé, qui suit le hawa dielo, qui n'a pas d'autre raison, on ne sait rien faire pour lui. On ne sait pas le raisonner. On peut faire dua peut-être pour lui, c'est tout. Parce que, alhamdoulilah, nous on dit aux frères, hein, et si les frères nous entendent de l'étranger, etc., si vous ne pouvez pas venir ici partir dans un pays musulman, faites-le. Faites-le, partez directement. Si vous voulez déménager d'un coup, vous préférez essayer directement dans un pays musulman, préparez-vous et faites-le. Faites-le. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Faites-le. Hein? Et on aurait pu rentrer dans des considérations telles que le fait que le prédicateur résonne Bilal le Kofar, etc. On va même pas rentrer là-dedans avec des gens comme ça. Ça sert à rien. Parce qu'ils ne considèrent de toute façon pas comme des prédicateurs. Hein? ولكن, malgré ça, nous on veut tous partir bi-idnillah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Hein? Et réveillez-vous des derniers tirs de la nuit. Levez vos mains, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite à tous, et fait sujoud, surtout les moments qui sont spécifiques par rapport à l'acceptation des du'as et aux endroits qui sont spécifiques, etc. Et préparez-vous pour la hijra. Dormez pas, les frères, faut pas rester ici. Hein? On a enterré des frères ici, dans cette mosquée, des frères qui prient dans cette mosquée, on les a enterrés déjà ici. Pas âgés, hein? 34 ans, moins, plus, etc. Hein? On ne veut pas mourir. Si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir à Médina. Mais le temps, il passe. Alhamdulillah, tant qu'on est ici. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il faut éviter des différents extrêmes. Voilà, on est ici, alhamdulillah. C'est vrai qu'on a un certain apaisement dans la pratique de la religion qu'on n'avait pas avant. Ça, oulala. Nos enfants, ils voient l'école salafi, alhamdulillah. Nos femmes, elles sont tranquilles, alhamdulillah. Nous, on est tranquilles, alhamdulillah. On a les cours tous les jours dans l'aqidah, dans le fiqh, dans différents domaines, etc. Dans cette mosquée, on prie avec des salafis. Hein, le muaddin, c'est un salafi. Même les concierges, c'est des salafis. Tout le monde est salafi, alhamdulillah. Hein. les imams sont salafis, les enseignants sont salafis, les responsables sont salafis, tout le monde est salafi, Allah, alhamdulillah. Il y a une maktaba salafia, il y a des livres, il y a beaucoup de khayr, alhamdulillah. Malgré ça, Bilal Islam, ça reste Bilal Islam. Et il faut toujours essayer d'aller vers Bilal Islam. Et il faut s'entraider aussi les uns les autres, faire des projets en commun, entre amis. Hein? Essayer. C'est plus facile des fois de partir en groupe, partir à plusieurs familles, de s'entraider. Il dirait, bien, viens, on s'entraide. Et quand on est là-bas, s'il y en a des difficultés, ben, l'autre il aide plus, etc. Alhamdulillah. Yadullah ma'al jama'a. Alhamdulillah. Hein? Et qu'on n'oublie pas nos frères convertis aussi. Et des frères convertis, ils n'ont pas de pays musulmans d'origine. Ça, oh là là. Et bien, si nous, on est dans des pays musulmans, d'originaire de pays musulmans, d'accord, hein? Même si hein, on est né nous-mêmes dans des pays de koufar, etc., d'accord, contrairement à ce que disent certains hizbiyoun sur moi, certains sites, que j'ai quitté le pays de Mohamed VI sur, pour le pays d'Elisabeth II. Ils disent, je pense pas grave. Hein? À la kulli hal, ils auraient dû dire le pays d'Albert II pour le pays des. À la kulli hal, c'est qu'on aide ces frères-là aussi. Hein? Et qu'on les aide à rentrer dans nos, avec nous dans nos pays. C'est au Maghreb, par exemple, au Maroc ou ailleurs, etc. Ou qu'on les aide tout simplement à trouver des jobs en Arabie Saoudite, où on est dans les pays du Golfe, etc. Mais ce n'est pas donné à tout le monde aussi de partir dans ces pays-là. Et quand on part dans ces pays-là, c'est limité à la durée du contrat de travail aussi. Donc, il faut avoir une stabilité. Et je dis toujours, on a ce hack, je dis aux frères, même quand vous partez en Arabie, essayez d'avoir quelque chose dans les pays du Maghreb, que le Maroc, etc., pour que vous ayez un point de chute au cas où vous devez quitter l'Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas qu'on ne parle pas de la hijra. On en parle, alhamdulillah, on en parle en détail, on donne des conseils, on aide quand on peut, etc. Alhamdulillah. De faire des, faites des formations, entraidez-vous, etc. Faites des diplômes, faites quelque chose. Faites quelque chose, parce que pour certains, on commence déjà à faire partie des anciens ici. Il y en a, ils viennent d'arriver il y a quelques semaines, il y a quelques jours, hein, quelques mois, pour certains, quelques années. Moi, ça fait presque 6 ans que je suis ici. Il y en a que certains, ça fait presque 10 ans qu'ils sont déjà ici. Hein? Donc il y a un moment où c'est vrai que le temps passe. Donc il faut essayer de, hein, de toujours de partir vers les pays musulmans. Et comme j'ai dit, que nos frères convertis, ils soient pas, ils se sentent pas tout seuls. Ils se sentent, ben, parce que des fois ils nous disent, ils disent, moi où je vais aller, j'ai pas de pays où je peux aller. Hein? On leur dit, viens chez nous au Maroc, viens, marhaban. Viens chez nous dans nos pays musulmans. Si on peut faire quelque chose pour aider, on aide. D'accord? Et faites dua. Alhamdulillah, on connaît certains frères convertis, ils sont en Arabie depuis plusieurs dizaines d'années, ils n'ont pas bougé de là-bas, walillah alhamd. C'est un tawfiq. D'accord ? Donc ça, c'était un point par rapport, hein, j'étais un peu plus en détail que ce que je voulais dire vraiment, hein, mais c'est important. Parce que sur Twitter, ou sur d'autres réseaux sociaux, ou sur d'autres internets, on peut entendre de toutes sortes de choses. Et quand on voit des fois avec l'adab et ta'amoul avec aqwal ulama, c'est, moi, c'est ça qui me choque à la base. C'est Cheikh Obed al-Jabiri qui a parlé. Cheikh Rabi, il y a son sujet. Imamun fi salafiyya. On nous traite d'aveugle, qu'on ne sait pas, on ne suit pas le dalil, etc. Qu'est-ce que tu en sais que dalil est avec toi, il n'est pas avec toi? Est-ce que toi, tu es au niveau de Cheikh Obed pour savoir ça? Hein? Subhanallah, Adib. Cheikh Rabi. Quand j'étais avec lui en février, il m'a dit trois noms. Il m'a dit Alik Abi Cheikh Obed ou Cheikh Mohamed Ben Hadi, Cheikh Abdel Bukhari. Voilà les trois noms qu'il a cités, Cheikh Rabi. Et le premier nom qu'il a cité, c'est Cheikh Obed. Cheikh Rabi, il aime beaucoup Cheikh Obed, Hafidahullah. Hafidahumullah al-Jamia. D'accord? Donc, alhamdulillah, là, maintenant j'ai fait ce PDF. Moi, par habitude, je traite un sujet et je ne m'attarde pas sur le sujet. D'accord, c'est celui qui veut lire, qui veut savoir qu'est-ce que Cheikh Obed il a dit vraiment, et quel est le fiqh de cette fatwa là, et quelles sont les conditions, dans quel cadre il a dit ça, eh bien qu'il lise. Alhamdulillah, c'est en français. Alhamdulillah, c'est en arabe, mais si tu ne sais pas lire l'arabe, hein, on te l'entend très bien en français. Alhamdulillah. Et je crois qu'il y a 17 pages. Je crois que c'est suffisant sur le sujet. Hein? Wa jazakumullahu khairan, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.